Bonjour à tous, bienvenue sur ce podcast général de la cellule avec Thomas Munier. Thomas, ça va la pêche? Bonsoir tout le monde, ou bon matin si vous nous écoutez sous la douche. Absolument. Nous sommes également avec Aloïs. Salut. Et Thomas. Bon transport à tous, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent dans le métro. Et aujourd'hui, puisque vous avez des gens tout autour de vous dans le métro, vous allez pouvoir vous poser la même question que nous. Le jeu de rôle pour tous? Point d'interrogation. C'est pas le jeu de rôle gay normalement? Non, c'est un autre débat là. En backstage, attention, en backstage. Pas de politique. En backstage. Donc c'est le jeu de rôle, c'est normal Thomas. Ah, j'éclate tous les scores ce soir. Hein. Pour la première fois, Thomas voit les crêtes sur l'ordinateur et donc il... À d'habitude, je les vois en haut des crânes, donc j'ai un peu de mal. Donc, le jeu de rôle pour tous, Pika, c'est toi qui es venu avec ce sujet de podcast dans la besace et également avec un jeu qui s'appelle Marin de Bretagne. Un jeu auquel on a tous joué juste avant d'enregistrer ce podcast. Je pense que le mieux, c'est que tu nous présentes un petit peu ton intention, le système de jeu avant. On va commencer dans ce podcast par une petite explication de Marin de Bretagne. On va voir que dans les intentions du jeu, il y a l'idée de mettre tout le monde au jeu de rôle. Si j'ai bien compris, je me trompe, Thomas ? L'idée, c'est de proposer des jeux de rôle qui visent un public différent de du public qu'il connaît aujourd'hui. Quoi. Voilà, exactement. Et puis, dans une seconde partie du podcast, après avoir bien développé ses intentions sur Marin de Bretagne, on ouvrira, c'est ce que tu proposais de faire, on ouvrira sur un débat général qui va finalement tourner autour de la question suivante, c'est le jeu de rôle peut-il devenir, oui ou non, un média de masse, ou en tout cas un média plus accessible qu'il ne l'est aujourd'hui. Quelque part, c'est un peu le round 2 d'une émission qu'on avait fait. Tu te souviens, toi, Thomas ? C'était il y a longtemps. C'était quand nous étions sur Play. C'était Sommes-nous tous rôlistes ? C'était un petit peu le second round de ce. Je pense que si vous avez écouté l'émission qu'on avait fait sur Play, devrait être plus structuré, plus intéressant et on devrait aller plus profondément dans les choses. Alors, et on aura plus de temps. Thomas, commençons d'abord par la présentation de Marin de Bretagne. Qu'est-ce que c'est que ce truc que tu nous ponds là ? Alors, Marin de Bretagne, c'est un jeu de conte et de rôle dans une Bretagne imaginaire. Oui. Alors en fait, on joue sur les... quand je dis Bretagne imaginaire, ça veut dire qu'on joue sur toutes les côtes qui se disent bretonnes, oui, et sur toutes les mers que peuvent parcourir les Bretons. Ça veut dire concrètement qu'on peut aller du Mont-Saint-Michel à Nantes, on peut aller du golfe du Morbihan à la Terre de Feu. Et puis, ça se passe à une époque imaginaire, une époque de cocagne, où vont pouvoir se côtoyer dragons, druides, bateaux de pêcheurs couverts de peinture rouge, fonctionnant à la vapeur ou au charbon, et également éoliennes, ou pourquoi pas des choses plus futuristes. Donc, alors... Mis à part les choses futuristes que tu proposes et qui, moi, m'ont d'emblée choqué dans ta présentation, mais finalement, en jouant au jeu, je me suis dit, bon, pourquoi pas. Finalement, c'est la Bretagne telle qu'on se l'imagine dans, j'ai envie de parler d'inconscient collectif, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, mais il y a un côté, allons interroger, par exemple, un Espagnol de ce qu'il sait de la Bretagne. Il va essayer de sortir des images d'Épinal, on a envie de dire. Oui, des clichés, y a ça, ouais. Des clichés comme tu disais Thomas, cartes postales. Ouais, c'est une Bretagne de cartes postales. De cartes postales, et c'est dans cette Bretagne imaginaire que l'on va jouer dans Marin de Bretagne. Exactement. Ouais. Chacun apporte sa vision de la Bretagne autour de la table. Le jeu en lui-même, quand il sera rédigé, parce que c'est pas encore le cas, ne présentera aucune description de cette Bretagne imaginaire, enfin pas plus que ce que je viens de dire en fait. Mm-hmm. Et effectivement, c'est les gens qui, en développant leur propre vision de la Bretagne par le jeu, vont faire acte de folklore. C'est ça qui était important pour moi. C'est qu'en fait, c'est un jeu sur le folklore. Ouais. Alors, Aloïs, c'est une construction d'imaginaire collectif, en fait, sur un groupe assez limité. Mais finalement, on est plus dans ce domaine-là, sur la base, on est plus dans ce domaine-là que sur le jeu de rôle, comme on l'entend traditionnellement, je pense. C'était important pour moi que c'est une construction reste, collective d'imaginaire. C'était important pour moi que ça reste mécaniquement un jeu de rôle. Oui. D'accord. Dans le sens où, vous avez vu quand on a testé, tu incarnes un personnage. Mais ça, tu incarnes un personnage et l'histoire n'est pas écrite à l'avance. Même si on propose un canevas, mais l'histoire n'est pas écrite à l'avance. Elle se déroule en fait au fur et à mesure du jeu. Quoi. Alors le jeu propose en fait des cartes au milieu de la table avec l'une sur laquelle il est écrit vent, une sur laquelle il est écrit homme avec un S, donc c'est au sens de les êtres humains, hein, les hommes, la terre, les bêtes, la mer. Il est légende. Et donc, du coup, moi, je trouve, je ne sais pas si tu as raison de présenter ton jeu, Thomas, en disant on va jouer un personnage. Je crois qu'on joue plutôt une couleur, au sens où on joue un élément de la bretagne imaginaire. Alors, la façon dont je présente, en fait, c'est par exemple la personne qui choisit les bêtes. Hein, et en fait, interprète. La carte désigne à la fois son personnage et l'élément qu'il contrôle. Quoi. Ouais. Donc là, par exemple, dans la partie test qu'on a faite, j'avais la carte bête et j'ai choisi de jouer un crabe biniou. Donc c'est un crabe dont la carapace est surmontée de tuyaux de biniou et qui fait de la musique quand il se déplace. Ouais. Et effectivement, je pouvais aussi contrôler d'autres éléments liés aux animaux. Je l'ai assez peu utilisé finalement. Je suis resté assez centré sur mon personnage. Je crois qu'à un moment, j'ai fait intervenir Dicoqui Saint-Jacques. Ouais. Par contre, Romaric, si je me rappelle bien, toi, tu avais la terre dans la partie qu'on a jouée. Ouais. Tu as beaucoup plus mobilisé les éléments parce que tu as décrit des récifs, tu as décrit des menhirs. Tout à fait. Ouais. Mais j'avais compris que c'était comme ça, en fait. Parce que quand tu dis « tu as le contrôle de l'élément décrit sur ta carte », pour moi, c'était du coup « j'ai le droit de faire des descriptions en rapport avec l'élément de la carte que j'ai choisi ». Tout à fait, ça fait partie de tes droits, ouais, en effet. Voilà. Alors, au fond, le jeu propose ensuite tour par tour de chaque tour. En fait, on va partir de l'élément qu'un joueur a choisi, puis on va tourner en fait dans le sens des aiguilles d'une montre. Ce joueur va devoir se faire un ami de l'élément sur sa gauche, puis ensuite, avec son ami, ils vont devoir affronter un obstacle qui se situe sur la gauche de l'ami. Et ensuite, ils vont devoir atteindre un objectif qui se situe à gauche de l'obstacle. Donc, tour à tour, un petit peu comme dans Polaris de Ben Lehman, qu'on a d'ailleurs testé ce mois-ci, eh bien, les gens vont incarner des rôles différents. Le rôle de l'ami, le rôle de l'obstacle et le rôle de l'objectif. C'est assez bizarre, hein, mais voilà, c'est un petit peu ce que tu proposes. Alors, tu nous dis, au début de la partie, tu nous as dit « la narration est facultative ». Alors ça, pour un jeu de rôle, je trouve ça ultra choquant. Alors, est-ce que tu peux t'expliquer, Aloïs ? Faudrait peut-être juste expliquer comment on résout les conflits avant, je pense. Oui, pardon, excuse-moi, ouais, d'accord. Commençons par ça. Alors, en fait, le système de résolution, Thomas, si on va appeler ça comme ça, c'est le pierre-papier-ciseau. Donc, vous avez, quand vous jouez votre tour, hein, il se divise en quatre phases. Première phase, vous devez convaincre un ami. Donc moi, par exemple, quand je jouais le crabe, l'ami en question, c'était... c'était Aloïs qui avait la carte légende. Et donc, en fait, je voulais gagner la mer pour y mourir. Et donc, l'ami que je m'étais choisi à travers la légende, c'était... Le passeur. C'était un charron bretonisé, en fait, ouais, un passeur donc qui, à bord de son bagnose, en fait, faisait la navette entre la Terre et l'île des morts. C'est ça. Et donc, en fait, j'ai affronté au pierre-papier-ciseau pour le convaincre de m'aider. Plus exactement, je voulais pouvoir monter dans sa barque afin qu'on aille ensemble à l'île des morts. Ouais. Et donc, on s'affrontait au pierre-papier-ciseau. Et celui qui gagne le conflit pierre-papier-ciseau raconte, en fait, raconte sa victoire. Quoi. Concrètement, en fait, si on gagne avec les ciseaux, on gagne en supprimant quelque chose. Un élément. En fait, soit on supprime une partie du personnage, soit on supprime un élément. Voilà. Ça, c'est très freeform, en fait. Ah bah oui, c'est pour ça que je veux dire, en supprimant quelque chose, quoi, c'est super vaste. Ouais. Et tu peux aller jusqu'à tuer, en fait, le personnage adverse, mais ça, c'est seulement à la dernière phase. Quoi. Ouais. Et si tu gagnes en faisant la pierre, tu gagnes en transformant quelque chose. Mm-hmm. Et si tu gagnes en faisant la feuille, tu gagnes en créant quelque chose. Quoi. Transformer, créer, supprimer, en fait, tout ça, c'est du champ lexical de la transformation, en fait. De l'alchimie. De l'alchimie, absolument. C'est-à-dire que... Bah, c'est un jeu élémentaire, alchimique. Transformation, création, suppression. D'autres diraient, voilà, il n'y a pas de création sans suppression et sans transformation. Il n'y a pas de suppression sans création. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Donc, tout, en fait, dénote la même chose, c'est-à-dire l'ajout d'un élément fictif qui va permettre d'expliquer le succès de celui qui a gagné au pierre, papier, ciseaux. Ouais, tout à fait. Et donc, en fait, la phase suivante, c'est on doit franchir un obstacle ou tout simplement le détruire ou le battre. Ça se joue pareil au pierre-papier-ciseaux. Si on a récupéré un ami dans la phase d'avant, en fait, il va nous aider. En fait, ça fait une main en plus, tout bêtement, pour gagner. Et puis, la dernière obstacle, c'est l'objectif final. Souvent, je l'appelle la baleine blanche, en fait. C'est l'objectif qu'on a capturé. Ouais. Moi, par exemple, l'objectif du crabe, c'était tout simplement redescendre dans l'océan où il était né pour pouvoir y mourir. Alors, j'aimerais revenir sur cette histoire de la fiction est facultative. Qu'est-ce que ça veut dire ? On pourrait se contenter de jouer à ton jeu en faisant pierre, papier, ciseaux ? Ouais, tout à fait. Tu pourrais t'en contenter. En te disant, voilà, mon ami, si je le gagne... au prochain tour, contre l'obstacle, je gagnerai un pierre-papier-ciseau bonus. En gros, c'est ça. Hein. Ouais. Et ensuite, si je remporte l'obstacle, j'atteindrai l'objectif en gagnant avec mon ami à pierre-papier-ciseau contre un autre pierre-papier-ciseau. Enfin, c'est... Alors, en fait... Formaliser le jeu comme ça devient un jeu de pierre-papier-ciseau. Ouais, mais il y a presque même ça. On peut presque dire qu'il y a quand même une narration parce que quand même, tu as les cartes. C'est-à-dire qu'en fait, tu dis... je suis une bête et je fais un pierre-papier-ciseau contre la légende. Du coup, on a des personnages très peu raffinés, quoi, très, très moléculaires, quoi, si on veut. Quoi. D'accord. Mais, enfin, des personnages bruts. L'idée, des... c'était de pouvoir jouer avec des enfants. Voire même que les enfants, une fois qu'ils aient compris le mécanisme du jeu, puissent y jouer eux-mêmes dans la cour de récré. Quoi. D'accord. Donc, du coup, il fallait... le jeu, en termes de quantité de narration, le jeu est extrêmement ouvert. Là, on a joué entre quatre, quand même, rôlistes chevronnés. On a joué une demi-heure parce qu'on a rajouté max détails. Je pense que si on jouait avec des compteurs, et moi, c'est mon ambition, c'est de tester ça avec des compteurs, je pense qu'on pourrait faire la même partie, la jouer une heure ou deux, quoi. Ouais, d'accord. Thomas, d'accord avec ça ? Thomas Pousse. Oui, j'ai aucun souci là-dessus. Quand il t'a dit la narration est facultative, ça t'a... Alors moi, je veux dire que si on enlève la narration... du jeu, effectivement, on se retrouve à un jeu de papier, feuille, papier, ciseaux. Ouais. Je pense qu'on perd de on perd pierre, papier, ciseaux. Ouais, feuille, pierre. Shifumi. Un Shifumi, quoi. Un Shifumi. C'est tellement plus simple. Mais l'idée aussi, c'est que il peut y avoir un seul participant qui se contente d'aucune narration, en fait. Mais par exemple, je dis n'importe quoi, on joue. Papa, maman, la fille qui a 10 ans, et puis le fils qui a 4 ans. Le fils qui a 4 ans, on va pas lui demander de narration, lui il va juste jouer pierre, papier, ciseaux et tout, voilà, très simplement. Peut-être que déjà le fils qui a, la fille qui a 10 ans, elle va pouvoir un peu compter. Et puis peut-être que les parents, ils vont vraiment faire de la narration, interpréter leurs personnages, tout ça. Et en fait, tu peux avoir ces différents degrés qui cohabitent et la partie reste fonctionnelle. Mmh. Et l'idée aussi, c'est d'encourager peut-être ceux qui, à aller vers la narration au fur et à mesure, quoi. Thomas, tu penses ça pour les enfants. Tu penses que les enfants seraient pas capables ou ne souhaiteraient pas faire la narration? Alors, les enfants avec qui j'ai testé, ils en faisaient. Après, c'était leur type de narration à eux, ça pouvait être très étrange. Par exemple, il y en a un, en jouant les hommes, il a dit qu'il jouait Chuck Norris, quoi. Bon, c'est clair, je sais pas d'où est-ce qu'il l'a sorti. Mais bon, j'avais du mal à... Chuck Norris breton. Voilà, tu vas pas dire à un gamin de 9 ans qu'il est pas légitime dans sa narration, quoi. Walker Oléron en Rangers. Je pense que c'est qu'il y a un problème. Il y a une pauvreté il y a moins de richesse culturelle que chez un adulte, en fait. Peut-être ça qui limite la possibilité du jeune à faire du conte tel que nous on le pratique en tant que rôliste. Mais c'est pas pour autant qu'il a pas l'imagination qui est derrière. Après, je pense qu'il y a certains enfants, soit parce qu'ils sont vraiment jeunes, Thomas, soit parce qu'ils ont des handicaps. J'ai joué notamment avec un gamin, je pense qui avait quand même des handicaps et donc déjà qui avait pas mal, il avait du mal avec l'idée de la fiction, tu vois. Le principe même de la fiction, c'était difficile pour lui. Donc sa narration, elle était très faible. Même c'était plutôt les autres participants qui lui expliquaient ce que faisait son personnage et lui il se focalisait vraiment sur le pierre, papier, ciseaux. Mais pour lui, il y avait cet enjeu là qui le maintenait dans la partie. Et effectivement, la narration, c'était plutôt les autres qui lui expliquaient ce qui se passait en narration, quoi. Aloïs. Moi, le truc que j'avais dessus, donc j'en ai parlé à Thomas rapidement après la partie, c'est que ce jeu, pour moi, fait le pont entre le jeu de société et le jeu de rôle. Parce que si on garde l'aspect mécanique, juste le pierre-papier-ciseau, les différentes étapes. C'est une marelle, c'est un jeu, voilà, de cours de récré. Quoi. C'est un truc, un tour, ça se fait en une minute, où nous, on a joué 30, enfin, où nous, on a joué 10 minutes par tour, par exemple. C'est, on peut se contenter de ça. C'est peut-être, on perd peut-être quelque chose au jeu, mais voilà. Possibilité d'étendre la chose, d'utiliser tout ce roleplay, toute cette narration, et de se rapprocher ainsi du jeu de rôle. C'est là, je pense que c'est là le point fort du jeu, c'est que c'est quelque chose de transitoire. C'est le principe de Dirty Secret, notamment, qui utilise comme mécanisme, utilise le jeu du Perudo, qui est un jeu de société, et tu peux jouer, enfin moi j'ai déjà fait, tu peux jouer au Perudo, bah voilà, sans narration. C'est pas Dirty Secret dont tu parles. Ah si, Dirty Secret fonctionne avec le Perudo. Si, mais tu mélanges toujours les deux avec Sweet Agatha. Ah d'accord. Ok, continue Thomas. Moi ça me faisait penser au Loup-Garou de Tiercelieu en fait. Heureusement que Thomas est là pour faire ma conscience, parce que... depuis le début des podcasts, il y a des gens qui connaissent, je mélange les deux. Hein. C'est vrai, maintenant que tu le dis. Pendant la partie, moi je pensais au Loup-Garou de Tiercelieu. C'est un jeu où fondamentalement tu peux te contenter des mécaniques, et selon tout ce que ton compteur à ce moment-là rajoute, tu peux t'enrichir et rapprocher du jeu. Certes, il n'y a pas de mécanique de résolution dans le J'ai déjà vu du Loup-Garou de Tiercelieu où effectivement les joueurs ils se contentaient de voter. Alors oui, mais je trouve que dans Loup-Garou, c'est un jeu réel à rôle. Objectif qui est, quand t'es villageois, de trouver les loups-garous. Bah là, ton but, c'est d'arriver au bout de ta quête. T'as un gagnant, t'as un perdant. Dans ton jeu, t'as ni gagnant ni perdant. Donc, si on garde juste faire le Shifumi, je trouve que le jeu perd énormément. Parce que, en plus, on est d'accord. Ce qui est intéressant dans le jeu, c'est que t'as pas besoin d'une forte narration pour que ce soit intéressant. Ça peut juste être de dire, mon personnage, il s'appelle Erwan, il est chasseur de coquilles Saint-Jacques, et son but, c'est de trouver le paradis des coquilles Saint-Jacques. Juste une narration comme ça, je trouve ça largement suffisant, tu plantes bien un décor, et tu peux jouer. En fait, c'est... Maintenant, si après on fait juste, c'est parti. Ça, c'est un truc qui manque fondamentalement dans ton jeu, Pika, c'est une description des personnages au départ, et des objectifs. Je trouve que c'est trop nébuleux. Pour le joueur qui commence au début, il fait « Oui, mais je fais quoi, là ?» Tu vois, il y a un côté comme ça. Ça, c'est vraiment ce qui manque. Alors, il y a un truc important, je pense qu'on n'a pas précisé aux auditeurs, c'est l'état d'avancement du jeu. T'en es où, d'ailleurs. Oui, alors, je pense, pour prendre la définition de Frédéric Saint-Hest, je pense que le jeu, il est en stade 3/4. C'est-à-dire que on arrive à produire des parties qui me paraissent satisfaisantes. Après, j'exclus pas peut-être de revoir encore certains mécanismes. Et surtout, ce qui est vraiment important, c'est que là, pour le moment, les règles sont orales. J'ai rien posé par écrit. Donc, il faut que j'ai ce que j'ai prévu là. Effectivement, c'est encore quand même tester le jeu et notamment le faire tester par d'autres personnes, c'est-à-dire sans ma présence. Je transmets oralement ou verbalement les règles et puis les personnes testent elles-mêmes. Il faut que j'écrive les règles. Je pense que ça va se présenter de deux façons. Il y aura d'abord un premier texte qui raconte de façon très mécanique comment ça se passe, et un deuxième texte où c'est un exemple de partie. D'accord. Et l'exemple de partie, il va clarifier en fait ce que tu cherches effectivement, comprendre c'est quoi l'objectif en termes du personnage, quoi. Donc donner plusieurs exemples de parties, quoi. Alors moi j'ai une critique, moi en tout cas ton jeu actuellement, je l'aime pas du tout. Et je le trouve pas bon. Et je vais t'expliquer pourquoi. Je pense que c'est un jeu qui ne... En fait, d'abord, j'ai besoin de savoir quelles sont tes intentions avec ce jeu. C'est très important. Parce que pour moi, ce jeu de rôle fonctionne pas. Mais parce que c'est pas un jeu de rôle, en fait. Pour moi, c'est pas un jeu de rôle. Donc, quand tu dis, avec ce jeu, je vais faire découvrir le jeu de rôle, j'ai envie de te dire, non. C'est pas du jeu de rôle ce que tu fais. Alors, j'ai besoin que tu m'expliques très précisément pourquoi tu penses que c'est pas un jeu de rôle. Eh bien, qu'est-ce qu'un jeu de rôle ? Pour quelle raison ? Parce que la fiction, comme tu l'as dit très bien, la fiction n'a aucun impact sur les mécaniques de résolution. Et ça, c'est rédhibitoire en matière de jeu de rôle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la narration... Eh bien, je suis pas d'accord avec la définition que ça sous-entend. Alors, donc, je vais te présenter... comment dire ? Un principe qui est le principe de la machine à saucisses. Est-ce que tu connais ce principe ? Donc, on en a un petit peu parlé le mois dernier en parlant du Val, parce qu'il y avait des craintes que le Val soit justement une machine à saucisses. Là, je vais essayer d'en parler encore d'en reparler ici avec Marin de Bretagne. pour moi, Marin Bretagne, c'est le cas typique de la machine à saucisses. C'est-à-dire que tu as un jeu ludique qui se déploie et que si on veut, par-dessus les événements ludiques au cours de la partie, on peut rajouter de la narration et raconter des trucs. Mmh. Mais à partir du moment où rien n'encourage la narration, où rien ne la récompense et où les mécaniques de résolution ne tiennent pas du tout compte de la narration, on se retrouve avec un parallélisme total, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun point de connexion entre la narration et les mécaniques. Et de fait, le jeu devient une machine, ce qu'on appelle une machine à saucisses. Mmh. Ça produit de la fiction, oui, mais comment, pourquoi ? Il n'y a pas une mécanique qui l'encourage spécialement. Tu vois ce que je veux dire ? Mais avec tes histoires de couleurs au départ, la terre, la mer, tout ça, là, tu tiens quelque chose qui peut, en une seule mécanique, il ne manque rien pour te faire basculer vraiment dans le jeu de rôle. Le problème, c'est que tant que tu continueras de présenter le jeu en disant « c'est un jeu, mais la narration est facultative », je pense que tu vas dans le mur. Tu ne vas pas présenter le jeu de rôle, en fait. Alors, est-ce que vous voyez ce que c'est qu'une machine à saucisses ? Il y a de la viande qui rentre d'un côté, il y a de la saucisse qui sort de l'autre. Il y a un exemple typique de machine à saucisses, c'est la personne qui joue aux échecs, d'accord ? Qui va jouer aux échecs, il dispute une partie. Par exemple, Thomas et moi, on dispute une partie l'un contre l'autre. Et puis, à un moment donné, il y a une des personnes qui va commencer à raconter comment le pion adverse se saisit d'un autre pion et l'emmène chez le roi pour le faire captif. Ça n'a aucun impact sur la partie d'échecs. Les règles des échecs restent les mêmes, que la narration ait lieu ou pas. Et ben ça, c'est une machine à saucisses. Alors tu peux faire une règle en disant « lorsqu'un pion en prend un autre, vous devez raconter comment le pion est pris », mais ça reste une machine à saucisses parce que la narration ensuite n'a aucun impact sur les mécaniques du jeu d'échecs. Et là, typiquement, dans ce jeu, on est dans un jeu de pierre-papier-ciseaux dans lequel la fiction n'a aucun effet sur le pierre-papier-ciseau. C'est-à-dire que... Est-ce que tu vois le problème? Oui, mais en même temps, je ne vois pas dans le sens où... moi, ça ne me gêne pas que ce soit comme ça. D'accord. C'est-à-dire que... je pense que j'ai une définition du jeu de rôle qui est plus vaste que celle que tu sous-entends avec ta critique. Moi, je comprends, c'est légitime surtout en tant que rôliste vraiment chevronné, quoi. C'est légitime en fait, effectivement, de vouloir qu'il y ait des mécanismes qui récompensent la fiction. On a rien. Dans ce que effectivement, ce que tu veux, c'est que Thomas, ce que tu narres ait un impact sur le système de jeu, quoi, sur tes chances de réussite et quelque chose, quoi. Mais en fait, pour moi, ça n'est pas une condition sine qua non pour que ça soit du jeu de rôle. C'est-à-dire que ça peut être du jeu de rôle, en fait, moi, l'idée, c'était de proposer effectivement des cartes, des éléments qui soient inspirants, de donner les clés pour apporter la narration, mais de pas la forcer, parce que je savais que ça induirait de la lourdeur et je voulais vraiment un jeu extrêmement léger. Alors, pour toi, si deux adversaires décide de faire une partie d'échecs en racontant à chaque fois ce qui se passe lorsque les pièces pour se moi, prennent, ils font du jeu de rôle. Voilà, très bien. Aloïs. Je pense que là, en fait, la définition de Thomas englobe le jeu narratif dans le sens il était une fois pas, dans le sens où avec la confusion qu'il y a eu récemment, qu'il y a eu ces derniers temps. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Alors la nuance qu'il y a par rapport à il y a les rôles en fait. C'est que j'insiste quand même sur le fait que tu contrôles un personnage, quoi. Oui, voilà, c'est les rôles. Donc pour moi, on est dans le jeu narratif spécialisé. On est à la limite du jeu de rôle en fait. On est au chevauchement entre les deux en fait. Et en fait, je m'inspire. Ça fait partie des choses qui m'ont donné l'idée de faire le jeu. Je m'inspire des réflexions que Grégory Pokorzewski là dans le blog du bruit des paravents. Souvent, il fait des billets sur. Il essaie de faire une définition du jeu de rôle. Et en fait, justement, en se posant des questions, par exemple, est-ce que le jeu Oui Seigneur des Ténèbres est un jeu de rôle? Ou est-ce que l'étude une fois est un jeu de rôle? Et en fait, on sent qu'il s'oriente vers une définition définition du jeu de rôle extrêmement large, quasiment limitée où il y a le principe de Lumpy. Oui. Qui dit qu'en fait, le jeu de rôle c'est une conversation, c'est une fiction que se racontent les participants et que voilà, c'est ça le jeu de rôle, quoi. Thomas voulait intervenir. Oui, tu disais que c'était un ton jeu est un jeu de rôle parce qu'on incarne des personnages. Mais je trouve pas qu'on incarne des personnages. On incarne vraiment, comme disait Romaric, des valeurs, des concepts, des couleurs. C'est parce la définition compte, même de couleur. Voilà, ce que tu dis, c'est que on peut jouer un personnage. Moi, j'avais commencé à faire un pêcheur donc de coquille Saint-Jacques, un chasseur de coquille Saint-Jacques. Mais à un moment ou à un autre, je pouvais changer de personnage. Ouais, tu pouvais donc quelque part, ouais. Tu ne contrôles pas un personnage, tu contrôles un concept qui peut être tout et n'importe quoi. Incarné par n'importe quel est-ce autre que c'est plus un jeu de rôle à partir du moment où tu changes de personnage. Non, ça n'a rien à voir. Tu prends par exemple un jeu comme Prosopopée où tu es amené à décrire des couleurs aussi. Parce que moi, ton jeu là, en l'état, il me fait. Au début, quand je t'ai vu arriver avec tes petites cartes avec terre, mer, vent, etc., j'ai pensé direct prosopopée. Parce que ça fait partie des influences aussi. Prosopopée, c'est ça, c'est des couleurs qui influencent la narration. Et après, ok, t'as le contrôle d'un médium. Les couleurs, elles sont extérieures au personnage. Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. C'est vrai. Mais elles orientent. En fait, le principe d'une couleur en jeu de rôle, c'est qu'elle oriente la créativité des joueurs autour de la table. Donc là, on est typiquement dans le cas d'une couleur avec Marin de Bretagne. Ah, les cartes ballons. Sont des couleurs. Aloïs, tu voulais intervenir. J'ai oublié comment j'en suis venu là, mais enfin, comment j'en suis venu là. Comment es-tu venu, Aloïs ? Est-ce que tu as choisi le bus ? Non, j'ai pris la voiture. Ah, d'accord. De Thomas. Poussou. En fait, là, pour moi, on est dans le jeu à rôle. Plus que dans le jeu de rôle. Enfin, bon, c'est pour ça que je pensais au loup-garou de tierce lieu. C'est que pour moi, c'est un jeu à rôle. En l'occurrence, là, on le choisit. Dans le loup-garou de tierce lieu, il nous est distribué. On a un rôle auquel on doit se tenir le temps d'un tour de, enfin, d'une partie, d'une manche de jeu, si on veut. Aloïs. Et du coup, on est invité potentiellement. On n'a rien qui nous force à aller dans la narration jusqu'au bout. Mais on a une mécanique ludique à côté, simple. Qui peut nous induire à la créer. Donc c'est pour ça que selon moi, on est à l'endroit où on se chevauche entre le jeu narratif, enfin entre le jeu de rôle qui fait partie du jeu narratif et le jeu narratif, parce que justement, il y a cette notion de rôle. Sort de pied sous la porte. Mais tu trouves pas quand même que dans le jeu narratif en général, il y a un rôle donné à la narration dans les mécaniques de jeu ? Si, si, si. Mais dans, enfin. Parce que quand tu dis par exemple à ton loup-garou ou à ton villageois de fermer les yeux et de se poser sur la table. Il y a là, même dans un jeu narratif pur, il y a quand même les mécaniques de jeu influencent quand même les comportements, la narration, oui. Les événements influencent quand même les comportements des joueurs à la table dans les mécaniques. On est d'accord. Tu vois ce que je veux dire ? Alors que dans Marin de Bretagne, il y a deux niveaux. Il y a un pierre-papier-ciseau auquel on pourrait jouer sans aucune narration. Il y a quand même l'imposition de la description. Alors, via est-ce que c'est dans les règles, ça, de décrire à la fin au moins ce qui se passe ? Oui, c'est écrit dans les règles. Par exemple, le fait que. Ah, c'est qu'en fait, il y en a une. C'est qu'il y a négociation avant. Ouais, le mais en fait, si tu peux. Il y a un point, de contact avec la narration dans le système de résolution. C'est juste que c'est la négociation avant qui est facultative. Pardon, quand je dis que ta feuille, ça représente à la fois ton personnage et les éléments que tu contrôles. Quand je dis que tu dois convaincre un ami, alors que je pourrais simplement dire qu'on fait un pierre-copie-ciseau contre les cartes à la ligne. Quand je dis que effectivement si tu gagnes avec la feuille, si tu gagnes en créant quelque chose, effectivement je crée un point comme tu dis, un point de contact avec la narration, entre la narration et les mécaniques. Après, pour être très clair. Le participant est effectivement libre de pas de passer à côté de ça, quoi. C'est-à-dire que effectivement il va gagner avec la feuille, il va juste dire j'ai gagné, je passe à la carte suivante, quoi. Mais il y a une incitation qui l'idée c'est de créer un jeu qui soit inspirant et qui incite quand même à la narration. Et je pense surtout qu'à partir du moment où la personne qui anime la partie, qui a lu en fait le livre et qui a compris l'intention du jeu, elle va forcément inciter les autres participants à narrer quoi. En donnant l'exemple. C'est un jeu de rôle à autorité partagée sans MJ, mais je pense quand même que l'animateur, c'est-à-dire la personne qui présente le jeu, qui explique les règles, a un rôle de MJ en quelque sorte. Hein. C'est un MJ, c'est-à-dire dans le sens où il va cadrer et il va accoucher les idées narratives des autres participants. La maïeutique du jeu de rôle. Thomas, je voulais intervenir. Ouais, je voulais intervenir tout simplement. Toi, Pika, est-ce que le fait qu'on dise que ton jeu c'est un jeu de rôle, on s'en est pas quelque part, est-ce que ça te touche beaucoup ? Parce que toi, ton objectif, si j'ai bien compris avec ce jeu, c'est de mener des gens, des joueurs non-rôlistes ou des gens non-rôlistes vers une pratique de jeu de rôle. Alors après donc, tout, tu peux très bien faire un jeu de transition. C'est pas mon objectif. Pas ça, voilà. Ah voilà, justement. Pas, alors, on en revient à ces intentions alors, qui sont très importantes. Déjà à la limite, c'est vrai que dans mon idée, ma définition super perso de ce qu'est le jeu de rôle, pour moi, Marine Bretagne, c'est un jeu de rôle. Mais quelque part, c'est clair que tu peux demander à 50 rôlistes différents, il y en aura pas un seul qui aura même avis. Ça, c'est parce que la définition du jeu de rôle, elle est pas gravée dans le marbre. Voilà, ça c'est clair. Effectivement, c'est pour ça que je suis il y en a qui vont penser que Prosopopée c'est pas du jeu de rôle. Voilà. Il y en a qui vont aller très loin en disant qu'il était une fois c'est du jeu de rôle. On est d'accord. Garou Tire-Soleil c'est du jeu de rôle. On est d'accord. Quelque part, ta définition du jeu de rôle elle n'appartient qu'à toi. Non, mais la vraie question c'est est-ce c'est que tu le problème penses de cette définition que ce jeu va permettre de mener les gens à des parties de jeu de rôle. C'est ça quoi, la vraie ton question. Objectif, ton c'est pas mon objectif. C'est pour moi le jeu, l'objectif de Marine Bretagne, c'est de jouer à Marine Bretagne. Le jeu est une fin en soi. C'est-à-dire que moi, ça me satisfait si les gens ils s'amusent à jouer à ça sans jamais avoir envie de se mettre à jouer à Anima, quoi. Alors dans ce cas-là, pourquoi arriver avec ce jeu en nous proposant un podcast un sur le jeu de rôle qui s'appelle pour le jeu de rôle pour tous. Voilà ce qu'on est en train de me dire. C'est bien, on est en train parce de parler du jeu de et tout. Mais parce que en fait, l'idée c'est de tout comme un à la limite, pour faire je vais prendre bon c'est assez proche d'une métaphore j'aime pas la métaphore mais je vais quand même le faire tout comme si tu fais jouer à quelqu'un à Shadowrun tu joues pas dans l'esprit qu'il ait envie de se mettre à jouer ensuite aux cordes sensibles, c'est juste tu lui fais jouer à Shadowrun parce qu'il va kiffer les thèmes de Shadowrun, il va kiffer les mécanismes de Shadowrun. Un jeu de rôle, tu es pas obligé de le voir comme juste une étape pour découvrir un autre jeu de rôle, quoi. Non, mais on va pas du tout comme ça. Mais toi, ton objectif, quand t'as fait ce jeu-là, on a cru comprendre, c'est éventuellement à la limite, non, rendre ça, accessible ton ça, jeu à, la à limite, des gens c'est non un rôlistes. Bonus. C'est juste qu'en fait, moi, mon idée, c'est pas que les gens, après avoir joué à Marine Bretagne, ils ont envie de se faire un bon gros Shadowrun des fans. Non, c'est pas là. Pas ce qu'on veut dire. Ce que je suis en train non, de... c'est que, en fait, pourquoi y aurait pas... Les gens, ils continuent à faire du jeu de rôle casual, quitte à la limite que ce soit une porte vers d'autres jeux de rôle casual, quoi. Parcelli Games. Voilà, que les mecs, ils se fassent un Parcelli Games, qu'ils se fassent limite à un loup-garou tire-solu. C'est-à-dire tout simplement que je ne vois pas Marine Bretagne comme une porte vers un jeu de rôle qui serait plus complexe, plus hardcore, un grand le jeu de rôle des hardcore gamers, qui soit un jeu de rôle avec des thématiques geeks, qui soit un jeu de rôle qui prenne 6 heures à jouer, qui soit un jeu de rôle avec des mécaniques complexes, ou qui soit un jeu de rôle où il faille un talent narratif important, quoi. Alors, si c'est une porte vers les jeux de rôle, ce sera pas plutôt vers Prosopopée ou ce genre de jeu. Ce sera peut-être une porte vers les jeux à narration partagée. Point d'interrogation. Regarde pas son petit sourire malicieux. Je sais, moi, j'ai très moi, bien. J'ai toujours un problème. Moi j'en ai. Voilà. J'ai compris. Le thème au départ c'était le jeu de rôle pour tous. Non. On a présenté ton jeu. Il nous a piégés. Donc a moi piégés. J'ai cru comprendre que ton jeu au départ, t'avais ton intention c'était de créer un jeu qui rendait le jeu de rôle accessible à des non-rôlistes. J'ai compris. C'est pas ton objectif du tout. T'as fait ce jeu parce que t'avais envie de faire ce jeu. Oui mais. Il nous a piégé. Les gens en faisant jouer à Marine Bretagne, pour moi, ils font du jeu de rôle. Donc mais ça n'a rien à voir. On ne critique pas ton jeu. Moi, je l'entends pas comme ça, d'accord. Du tout. Parce que là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de parler de ton jeu, mais le thème du podcast, les gens qui ont téléchargé, qui ont cliqué sur le lien, c'est le jeu de rôle pour tous. Mais en fait, quand est-ce qu'on s'y rattache au wagon? Alors, attends, je t'explique. Est-ce que je peux déjà dans le train? Est-ce que je peux faire une tentative? Déjà, il y a une idée qui est sous-jacente dans Marine Bretagne, c'est que le fait que la narration soit facultative est une preuve d'accessibilité. Je me trompe ? Oui. Et là, c'est-à-dire qu'il a dit tout à l'heure, Thomas, il a dit la narration n'est pas obligatoire, donc elle n'est pas effrayante, elle n'est pas... Et donc, je voulais pas qu'il y ait d'obligation de qualité, quoi. Parce que moi, le truc, parce que Thomas. Rien que déjà qu'au thème et dans ce qu'on discute, je suis en train de me dire mais c'est pas possible, en fin de compte, moi, rôliste, je fais une activité élitiste. Donc j'essaie de voir. Il voulait la poser sa question. Non, c'est pas ça, mais c'est que. Non. J'essaie de voir. Peut-être. C'est une question ouverte, mais. Voilà, c'est une question ouverte. J'ai l'impression qu'en fin de compte, tu vois, par exemple, quand tu dis, dans mon jeu, je ne veux pas de narration obligatoire. C'est en train de te dire que créer de la narration peut être un blocage pour des gens pour ne pas faire de jeu de rôle. Ah, mais carrément. Moi, je le vois tout le temps. Hein. Je vois tout le temps quand je suis en convention. Quand je suis en convention, à chaque fois, j'ai des joueurs à ma table qui sont en fait extrêmement intimidés. par le fait de devoir narrer, quoi. Mais alors... Et il y en a qui te disent, mais s'il te plaît, ne me laisse pas raconter, quoi. C'est pas ce que j'aime dans le jeu, en fait. Mais la question, Pika, c'est si tu dis que le problème, c'est la narration, du coup, le problème, est-ce que c'est pas finalement le jeu de rôle? Parce que non, le problème, c'est la narration, le problème, c'est point de jeu de rôle. C'est surtout la quantité de narration, en fait. Ah. C'est la quantité. Et en fait, c'est pourquoi certains rôlistes ont peur de devenir MJ, pourquoi effectivement tout simplement certains ont peur de devenir joueurs, quoi. Moi j'ai encore récemment initié deux joueuses qui ont plus de 30 ans, et ce qui avait vraiment l'air de les rebuter, c'est qu'on attendait d'elles un résultat, en fait, une qualité de jeu, une qualité de narration. En fait, ce que tu veux nous dire aujourd'hui, c'est si vous voulez plus de joueurs de jeux de rôle à vos tables, soyez moins exigeants sur la qualité, la quantité de narration fournie. Je me trompe ? Oui, mais donc, je pense que le problème, il vient aussi, je pense qu'il vient des bases. Si tu joues à un jeu comme Les Ondes d'Esteren, où il y a vachement de détails, l'univers est fouillé, tu sens que les scénarios, ils sont quand même travaillés pour qu'il y ait une vraie ambiance, Toi, Thomas, c'est vachement exigeant. Thomas Munier, vous êtes venu en contrebande avec un autre... C'est comme sur les trains. Un train peut en cacher un autre. Un sujet de podcast peut en cacher un autre. Et là, on est typiquement dans un cas de contrebande. C'est-à-dire que ce que tu es en train de nous dire et de sous-entendre, c'est les jeux de rôle à narration partagée, parce qu'ils peuvent être moins exigeants en termes de narration, vont ouvrir progressivement notre média, le jeu de rôle, aux joueurs de jeux de société peut-être, c'est la contrebande, et à tous peut-être. Si c'est vrai, mais c'est une erreur. Alors, parce que dire que la narration partagée encourage moins la narration ou peut forcer les gens qui font moins de narration à venir au jeu de rôle, c'est pas possible. Parce que dans narration partagée et la monnarration, que moi tous les jeux de narration partagée que j'ai fait, s'il y a pas une narration qui est nickel, le jeu ne marche pas. Oui, alors ça c'est vrai, Thomas, mais par contre prends par exemple l'exemple de Prosopopée d'Inflorenza auquel on a joué. C'est deux jeux à narration partagée dans lequel la narration suffisante pour un joueur lorsqu'on arrive à son tour, c'est « et là, il te tue ». Et tac, on passe à l'autre joueur. Sous-entendu, il n'y a pas besoin de faire de la grandiloquence, de prendre le truc, de prendre le ton du personnage, de faire ce qu'on appelle du roleplay. D'ailleurs, ce mystère. Dans Inflorenza, tu n'es pas obligé de roleplay. Tu peux tout faire au discours indirect. Et c'est ça qu'il veut dire. C'est-à-dire que quand il dit fournir moins de narration, il ne veut pas dire fournir moins d'histoire. Au contraire, story now dans les jeux à narration partagée. Mais ce qu'il veut dire, c'est... Attention, à tous les jeux à narration partagée ne sont pas story now. Non, mais par exemple, les jeux que tu nous as proposés, Thomas Munier, jusqu'à maintenant, si tu prends Inflorenza, c'est story now. C'est ça que je veux dire. Donc là, du coup, on raconte d'abord l'histoire. Et peu importe qu'elle soit avec une grande description à la Balzac, cette étagère, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que le mec, il prend son poignard et il backstab. Wushu. Wushu, c'est un excellent jeu, mais dans Wushu, si ta narration elle est pourrie, tes GD vont être pourris parce que le MJ récompense ta narration en te filant des bonus. Alors, Thomas. Moi j'ai Donjons et Dragons, Poussou. L'exemple. Thomas Poussou, c'est compliqué. Ma narration, enfin moi j'ai pu faire mes premiers scénars sur du genre de jeu, narration zéro. Mon perso, tu fais quoi ? Je rentre dans le temple et je pète la gueule du monstre. Mais voilà, c'est comme ça ma narration. Ce qui me gêne en fait dans le jeu de rôle traditionnel, c'est-à-dire effectivement le jeu de rôle. On y arrive. Le jeu de rôle où il y a en fait dans le jeu de rôle traditionnel, il y a fondamentalement une asymétrie. C'est-à-dire que tu as les joueurs et tu as le MJ qui a le dernier mot sur la fiction. Ouais. Puisqu'il est et surtout il y a une asymétrie dans le boulot. Ouais, qui doit fournir, quoi. Et en fait, c'est en plus ce qui est difficile, en fait, pour amener les gens vers le jeu de rôle, c'est que en plus d'amener les gens vers le jeu de rôle, il faut amener les gens vers la maîtrise. Et c'est à double peine. Et donc, Thomas, tu penses que ça bloquerait des non-rôlistes pour venir dans le jeu de rôle. Quelqu'un dit, tiens, je vais te proposer un Donjon et Dragon. Oh non, ça prend trop de temps. Donc tu penses que la prise de temps, ça le travail. Temps. Et puis surtout, après, les mecs, quand ils sont lâchés en nature, ils vont pas s'y mettre tout seuls. Parce que ils arrivent, il faudrait que je trouve. Moi, je vois pas mal en convention ou en salon. Parce que moi, j'ai été directeur des 24 heures du jeu. Puis je fréquente encore souvent. Donc j'ai souvent l'occasion de parler avec des gens qui ont été initiés au jeu de rôle. Et en fait, qui se sont arrêtés là. Parce que ils ne trouvaient pas de MJ, tu vois, et eux-mêmes se sentaient pas capables de le faire. Alors, Attention, je prétends pas que c'est impossible de proposer un jeu de rôle traditionnel qui soit pas un jeu de rôle. Bah, à la limite, Loup-garou tiercelé, c'est clairement, si on était vaste dans une définition du jeu de rôle, donc on disait que Loup-garou tiercelé est un jeu de rôle, ce serait un jeu de rôle traditionnel parce qu'il y a une asymétrie. Le fait qu'il y ait un compteur. Bon, non, mais c'est un jeu narratif, comme disait Aloïs tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut élargir. Tu vois, à la limite, déjà, dans le même Loup-garou tiercelé, c'est un peu bloquant. Parce que tout le monde est ok pour jouer, mais il faut qu'il y ait le mec qui se colle à faire l'animateur. Tout le monde est prêt à faire des choses, mais personne n'est prêt à l'animer ou faire quelque chose. Mais il y a un risque, et là je suis sûr, où il y ait, Thomas Munier. Il y ait peu d'engagement, en fait, qu'il y ait un coût d'entrée qui soit le plus faible possible. Mais bien sûr, je vois bien. Mais Thomas Munier, tu as un tas d'auditeurs de la cellule, là, qui nous écoutent en ce moment, et qui, je suis sûr, brûlent d'envie de te dire une chose, c'est que, lorsque tu feras ça, si un jour tu fais que tout le monde jouera à ce jeu que tu nous proposes là, beaucoup de gens te diront « Oui, mais en donnant le jeu à tout le monde par ce biais-là, on a tué ce qu'était le jeu de rôle à la base. » Oui, pourquoi ? Ah bah j'irai danser sur sa tombe. Ouais, moi je te suivrai. Hein. Pourquoi je dis ça ? Parce que ce qui est justement intéressant pour une grande majorité, je pense, de joueurs de jeu de rôle dans le jeu de rôle, c'est justement cette exigence de la narration. On crée le communautarisme. Alors, je dis pas, mais il y a plein de... Ressouviens-toi, Thomas, de tous ces gens qui nous ont dit « Moi, si demain, le jeu de rôle devient un jeu de rôle de masse, devient un jeu accessible. Oui. J'arrête. » C'est-à-dire qu'au sens ils où... Ils continuent à faire leur jeu qu'ils aiment. Ah oui, mais c'est pas pareil. Non, tout à fait. Non, mais puis il y a des joueurs... Cette bataille, ils l'ont déjà perdue parce que ça existe déjà. Enfin, je veux dire, tu as déjà 8 Seigneurs des Ténèbres, déjà Loup-garou tiercelé. À la limite, les mecs, ils devraient avoir arrêté parce qu'ils ont déjà perdu la bataille. Je pense que c'est des gens qui vont voir leur famille qui disent « Moi, je fais du jeu de rôle. » Du quoi ? Et c'est classe. Ah oui, je crois que j'en ai entendu parler. Parce que, si tu veux... Le jeu de rôle a justement cette exigence d'imagination, de narration. Et là, ce que je te dis, c'est vrai. C'est-à-dire que le jeu de rôle est un jeu exigeant, mais que de qualité en échange. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si tu disais... T'as un coup d'entrée qui est phénoménal. Oui, t'as un coup d'entrée qui est phénoménal, mais c'est aussi pour ça... Ça demande de l'engagement. Mais c'est aussi pour ça que le jeu de rôle, c'est du bon. Et Thomas Munier, vous êtes malhonnête, parce que au dernier podcast sur les techniques enregistrées pour le mois, tu disais justement, Thomas, que ce qui faisait aussi le génie du jeu de rôle classique, c'était justement toutes ces complications, toutes ces techniques difficiles à mettre en œuvre. Et c'est aussi ça, le jeu de rôle classique qu'on aime. Tu vois ce que je veux dire? C'était aussi la difficulté. J'ai le droit d'aimer les deux, quoi. Oui, moi, je veux que les deux soient possibles. Tout à fait. Je suis d'accord. Que les deux sont possibles. Mais tu vois, ce qui me gêne, effectivement, c'est moi, en tant que rôliste, qui ai connu le jeu de rôle comme ça, un détour de couloir dans un lycée, honnêtement, je n'ai jamais trouvé que le jeu de rôle demandait un coup d'entrée énorme. Et effectivement, maîtriser une partie te prend du temps, parce que c'est une base. Est-ce que c'est pas lié à ta personnalité et à ton parcours, le fait que toi, mais ça a été possible, facile pour toi? C'est possible. Moi, j'ai ma propre expérience. J'ai pas l'expérience d'Aloïs ni la tienne. Donc, t'étais équipé pour, entre guillemets, quoi. Mais c'est possible. Pour moi aussi, ça a été facile. Je n'ai jamais trouvé personne de bloqué. En fin de compte, dans un jeu de rôle, j'ai fait rentrer des tas de gens en jeu de rôle. Dire que moi, mon entourage a de la chance. Beaucoup de monde. C'est que je suis maître de jeu. Je me suis mis. Thomas a initié énormément de jeux. Et donc, j'ai initié quand même pas mal de monde. Et à chaque fois, ça a marché. Dire, il y a aucun moment, dire que si quelqu'un voulait pas faire de roleplay, ils le font pas. Effectivement, moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans le jeu de rôle. Donc, je vais demander de plus en plus à avoir du roleplay, à imposer les choses aux gens. Mais c'est vrai que j'entends régulièrement, tu vois, beaucoup de posts qui existent sur Internet, on dit le jeu de rôle pour commencer, le jeu de rôle d'initiation. Moi, tout ça, c'est de la fumisterie. Pour moi, je pense que tu peux prendre n'importe quel jeu de rôle et commencer avec ça. Ça, c'est une thèse forte. Hein. Voilà. C'est osé, ça, toi. Je suis d'accord avec toi sur une chose. Il y a un prérequis qui est énorme, c'est qu'il faut quand même qu'il y ait un mec qui se soit fardé les 400 pages de la base. Maintenant, on peut faciliter l'accès en raccourcissant le temps de préparation. Donc, ce qu'on peut voir avec les jeux de rôle qu'on voit maintenant... John Doe... Voilà. Des gens ont dit, tu prends le bouquin, tu lis, t'es prêt. Mmh. Ouais, mais même dans les jeux John Doe, moi, ce qui me gêne, c'est aussi les thématiques, quoi. Enfin, attention, j'adore les jeux John Doe, mais... C'est pas les jeux qui te parlent. Non, c'est pas ça. Non, mais c'est que les thématiques sont typiquement rôlistes au sens culturel. Quand tu m'entends parler dans ce podcast, c'est vraiment juste le Thomas qui veut défendre le jeu de rôle pour tous. Bien parce sûr. Que moi aussi, pas je fais de souci. Super gros les jeux, auditeurs savent appliquer le principe de charité. Voilà. Thomas, t'inquiète. Dans le sens où Oui, en tant que rôliste, moi de toute façon je suis venu au jeu de rôle par des jeux de rôle classiques, hein, Appel de Cthulhu, Donjons et Dragons et compagnie, et je continue et je continuerai à faire des jeux de rôle qui, avec des bases de 500 pages, ça me pose aucun souci à moi. Mais je pense qu'il y a déjà, j'ai envie de pouvoir faire autre chose. Mais le Grumpf revendique voilà. Le côté rôliste. Moi, clairement, ça m'amuse de me dire on va jouer en un quart d'heure, quoi. Et l'idée, elle me vient notamment de Johan Scipion qui a fait une variante de Sombre, de Sombre, Sombre très... Zéro. Sombre Zéro, tu joues excellent. En 10 minutes. Ouais. Et en plus, tu n'as pas de. Tu n'as rien à noter. Donc, tu n'as pas de crayon. Pas de dés. Voilà, le matériel est super léger. Là, c'est pareil. Je voulais ni dés, ni crayon, ni mémorisation. T'as rien à mémoriser, en fait, aussi. On en parle après l'intervention d'Aloïs qui demande la parole depuis environ une demi-heure. Aloïs. Non, pas une demi-heure. C'est vrai que j'ai pas. Tu fais à peine 10 minutes. Je suis pas encore intervenu. Je suis pas intervenu depuis quelques minutes parce que j'étais en train de réfléchir à d'autres choses. Merci pour ton intérêt. J'écoute. J'écoute les gens qui manifestent. J'écoute aussi les gens qui ne manifestent pas. Aloïs. C'était pour revenir sur ce que tu disais, Thomas. Poussou. Lequel? Non, mais, Thomas Munier, je l'appelle Pika, comme ça je sais que ça marche. Très bien. Très bonne idée, Aloïs. Je m'appelle Thomas. On se comprend. Donc, Thomas, tu disais que tu avais initié pas mal de monde. Oui. Que tu avais fait rentrer des gens et que le plan du prix d'entrée, pour reprendre l'expression de Pika, il n'y avait pas eu de problème. Tout à fait. Le fait est qu'on a tendance à côtoyer des gens qui partagent pas mal de choses, enfin, un minimum de choses avec nous, ne serait-ce qu'une éducation, une culture, disons. Et certains préacquis sociaux. Enfin, en gros, je suis tombé sur la bonne bulle rôlistique et tous les gens qui sont anti-rôlistes, je les ai jamais vus. Je dis pas ça. Je dis que si tu vas prendre quelqu'un au fin fond de sa cambrousse en Afrique, je suis pas sûr qu'il aura la même facilité d'acquisition du jeu de rôle. Il essaiera de jouer à Chan. Je pense que ça marchera. Je dis pas que ça marchera pas. Je dis que ce sera pas pareil. Le problème en fait que je vois, Pika. Thomas, quand tu fais jouer n'importe quoi, supposons que tu inities des gens au jeu de rôle avec Nephilim. Tiens, je vais prendre c'est truc. Parti quoi, le jeu de référence. Avec un système, enfin j'ai jamais joué à Nephilim, mais j'ai cru croire que c'était système, ma première base. Hein. Il faut se faner. L'univers. Et le pire, c'est que tu tombes sur la première base de Thomas Poussou, c'est ça qui est beau. Voilà, c'est mon premier échec, ouais. Salaud. Si tu inities les gens avec Nephilim. T'as intérêt en tant que MJ, mais t'es une bête de sexe, quoi. Enfin, je veux dire. On n'a pas du jeu au même défilé. Hein, Benoît Allemagne du jeu de rôle. Que tu vas devoir développer des qualités relationnelles, de négociation, tout ça, et que tu vas devoir aller chercher des choses qui sont vraiment, vraiment pas dans la base, que tu vas être obligé surtout de sabrer dans le background de Néphilim, quoi, à fond, quoi, et d'amener les gens vraiment petit à petit. Enfin, clairement, c'est l'océan, la petite cuillère, quoi. Ouais, pas de problème, j'ai une grande cuillère. Bon, je pense qu'il faut cadrer ce débat. Ouais, ce débat, mais c'est surtout, en fait, ce que je veux dire, parce que moi j'aimerais réagir. En fin de compte, Thomas, ce que j'essaie de faire sortir, je peux comprendre, si tu veux, qu'il y ait des gens qui ont plus ou moins de mal, puisque apparemment, il y a des gens, dès qu'on passe dans l'imaginaire, ça les bloque complètement. Donc, apparemment, ça existe des gens comme ça. Je ne crois pas en avoir beaucoup rencontré. J'en ai. Mais j'en en fait, je pense qu'il y a des gens, ça les dérange pas d'explorer l'imaginaire, justement d'être dans la partie. Mais passif. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est-à-dire que, en fait, ils sont dans la réalité virtuelle jeu de rôle, voilà. Quoi. Ils suivent. Ils explorent, ils suivent, et je te promets qu'ils s'amusent à faire ça. Mm-hmm. Mais effectivement, ils veulent pas prendre la responsabilité eux de rapporter de la fiction. Voilà. Et ne serait-ce que parce que ça peut les sortir de leur immersion aussi. Donc maintenant, si j'en viens sur cette discussion, surtout sur les problèmes que je t'ai montrés, c'est tu crois vraiment que dans le jeu de rôle qu'on nous propose, dans le marché actuel, que ce soit les sorties indépendantes qu'on peut voir, les vieux jeux de rôle comme les Cthulhu qui ont été réédités des tonnes de fois, tu penses vraiment que tous ces jeux-là mettent vraiment une barrière pour des personnes qui ne sont non-rôlistes et qui ne pourront jamais s'y mettre à cause de ça? Parce que c'est vrai qu'on a l'habitude, moi quand j'étais jeune, le jeu de rôle c'était comment? Tu ne pouvais pas arriver comme ça, c'est une initiation. Un mec qui a déjà joué, te dit, tiens, tu ne connais pas le jeu de rôle, je te fais rentrer dans la partie. C'est comme ça que j'ai initié tout le monde. Et je le fais jouer. Donc, tant que tu ne connais pas le gars qui est capable de maîtriser, pour d'ailleurs, commencer, c'est dur. Y a beaucoup, donc, ouais. C'est une critique que tu fais dans le jeu de rôle ou une constatation qui est qu'actuellement, le jeu de rôle n'est pas suffisamment accessible et que pour améliorer cette accessibilité, c'est demander moins d'efforts du joueur d'un point de vue narration, en tout cas de ne pas lui imposer, et surtout tout à fait, ouais. Raccourcir le temps de préparation et de durée de partie. Bien, très bon résumé, oui, je pense. Tout à fait. Et aussi ce qui est très très important pour moi, c'est les thèmes. Les thèmes. C'est ça, c'est... En plus, ah oui, tu penses qu'il manque de thèmes. Troisième point, les thèmes. Alors, on y vient. Mais alors, je prends un exemple dans un petit peu dans alors, je renvoie qui est vachement bien. C'est le podcast Radio Rollist hors série avec Sébastien Delfineau et Grégory Pogorzelski, là, qui est sorti il y a un mois, où ils parlent pendant 2 heures du jeu de rôle d'initiation. Alors, écoute. Un petit peu plus d'un mois maintenant, mais. Ouais, mais bon, enfin, vraiment pas mal. Écoutez-le, il est super. Très bon. Ouais. Alors, ils parlent d'aventure partie. Notamment le premier épisode d'Aventure Party, référence à la Murder, voilà. Le premier numéro d'Aventure Party qui est sorti, c'est dans un monde médiéval fantastique. Ouais. Je crois que le deuxième c'est avec des pirates, et le troisième qui a vraiment un part, c'est les Terres Perdues par Inno. Ouais. On est complètement dans un autre paradigme. On est sur une île déserte, c'est d'une ambiance à la Lost, à Miyazaki, parce qu'il y a une histoire de pollution, de protéger la nature. D'accord. Super. Et en fait, c'est quoi le truc? Ce troisième, et à la limite, il y a aussi Oz, ou Nain et Jardin, ou Petite Sorcière. On est sur des thèmes non geeks. C'est génial. C'est génial. C'est ça, en fait. Je voulais proposer un thème qui ne soit pas un thème geek. Très bien. Parce que, les dragons, les yaks, Han Solo, attention, c'est super légitime d'utiliser des thèmes geeks. Moi-même, enfin voilà, je suis super fan de ces thèmes-là. C'est une culture qui est partagée par la plupart des jeunes de notre époque. C'est tout ça. Attention, parce que quand je dis jeu de rôle pour tous, moi je m'intéresse aussi à une grand-mère du Fawet qui a 70 ans ou à un gamin des cités, quoi. Et ce qui est très intéressant. Je m'intéresse pas forcément un homme de 20-30 ans qui est fan de Star Wars. Donc, c'est ça que je veux dire. Pour atteindre l'objectif, jeu de rôle pour tous, 3 éléments résumés, une narration plus accessible, des règles moins contraignantes, des règles plus accessibles, et troisième point, des thèmes qui ne soient pas des thèmes à tiroir geek ou estampillé. Voilà. Geek. Ou des thèmes éclatés. C'est ça que tu proposes. Parce qu'à la limite, c'est vrai quelque part que la personne qui est vraiment fascinée par des univers geeks, eh ben, effectivement, elle pourra s'auto-former au jeu de rôle avec une base de l'appel de Cthulhu ou une base de Pathfinder. Pathfinder, à ce qui parle, j'ai jamais lu la base, mais bon, on nous dit beaucoup de bien de comment c'est accessible, que les choses sont amenées petit à petit et tout. Alors, là, tu me permets de... Pardon, Aloïs. Donc, excuse-moi. C'est peut-être un troll, mais moi, ça va m'amuser de le dire. Attention, attention. Les trois... C'est moi qui me prends les claques après, Aloïs. Non, mais je pense pas qu'il nous en voudra, parce que justement, je vais parler de son jeu, donc voilà. Tu me prends des claques. Les trois prérequis que tu dis, moi, ce à quoi ça m'a fait penser, c'est romance érotique. Ah, j'allais parler de Lionel Jenra, ça allait être ma transition. C'est un excellent exemple, parce que là, du coup, c'est aussi un autre public, quoi. Je suis très fort. Un public inattendu, ouais. Et c'est exactement, alors, c'est incroyable. C'était ma transition, Aloïs. Félicitations. T'as une belle vue, parce que Lionel Jenra, figure-toi, a exactement. J'avais prévu de parler lui pour un autre de ses projets. D'ailleurs. Ah, bah, je voulais en parler. Ben, vas-y, Pika, je t'en prie. Tu veux parler de son projet qu'il fait en La Chaux de Fonds 1904. La Chaux de Fonds 1904, qu'il fait en... T'y pensais aussi, Aloïs? Non, même pas. Non, parce qu'en fait, Lionel a exactement... J'ai juste pensé à un roman érotique. Exactement le même point que Pika. C'est-à-dire qu'il pense que pour rendre le jeu de rôle accessible à tous, il faut sortir des thèmes... non seulement il faut sortir des thèmes geeks, mais lui, il pense que ce faisant, on pourra obtenir des crédits et des financements. Et donc des thunes, on parle de thunes. Je vais en parler aussi. On parle de blé, quoi. Et là, parler de l'argent. Là, ça commence à devenir intéressant, ce podcast. Parce que quand on parle d'argent, ça tout de suite les choses. C'est vrai que là. Là, l'audimat augmente, là, déjà. Et en fait, ce qu'il disait, c'est que comme ça, tu pourras obtenir des subventions de villes, de collectivités. Est-ce que tu veux pas expliquer c'est quoi la Chaux de Fonds 1904? Je t'en prie, Pika, explique. Okay. Alors, à la convention Eclipse, à Lionel Jenra, il nous a passé des petits prospectus qu'il avait préparés, qui présentent son projet qui s'appelle la Chaux de Fonds 1904. La Chaux de Fonds, en fait, c'est une ville suisse. Ouais. Je crois où habite Lionel, il me semble, hein, qu'il habite là-bas. Ou en tout cas, il y va très souvent, quoi. Non, c'est pas là-bas qu'il y a la convention UNESCO. Est-ce que tu es sûr que c'est la Chaux de Fonds 1904? C'est la Chaux de Fonds 1904. Ouais. J'ai lu le bouquin, j'ai un peu échangé avec Lionel là-dessus. Je crois que c'était Lionel, il habite à Lausanne. Non, il habite à Neuchâtel, non ? Neuchâtel ? Bon, oublions. On sait plus où il habite. Dis-nous ça en commentaire, s'il te plaît, parce que là, ça a l'air dur. Alors, je crois que les auditeurs en ont rien à foutre d'où habite le. Bon, grosso modo, il explique donc dans son petit texte, il explique qu'est-ce que la ville de La Chaux-de-Fonds, ses particularités historiques, par exemple, c'est là où il y a pas mal d'horlogers. Ouais. Voilà, notamment. Il explique les personnages historiques qui ont pu faire des apparitions à La Chaux-de-Fonds. Mmh. Et puis le contexte, il place ce contexte, donc La Chaux-de-Fonds à la belle époque, en 1904. Ah putain. Puis alors, La Chaux-de-Fonds, je peux vous garantir, pour y avoir été, que c'est un putain de contexte et de décor pour des scénars. Ça fout les boules, cette ville. Et en fait, il propose. C'est quoi le projet ? Alors, c'est pas un jeu à part, en fait. C'est un supplément pour le jeu de rôle crime. Donc en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va jouer plutôt du polar belle époque dans le contexte de La Chaux-de-Fonds. Tu m'étonnes. De la Chaux-de-Fonds. Et en fait, l'idée c'est que il va solliciter des collectivités locales pour financer le projet. Alors, qu'est-ce qu'il veut financer ? Il me semble que le développement, c'est-à-dire l'écriture du bouquin et les illustrations, il décide en fait de le faire bénévolement. Il est en collaboration avec un illustrateur. Et dans son budget, il met bien qu'en tant que passionné, bon, il ne se rémunère pas pour l'écriture du supplément. Bon, admettons. Mais bon, déjà, il sollicite pour le fait quand même d'imprimer le supplément, quoi. Mmh. Imprimer, de diffuser. Et l'autre chose qu'il sollicite, en fait, c'est des fonds pour organiser. Dans divers événements locaux, organiser en fait des parties de La Chaux-de-Fonds 1904. Bien sûr. Mais voilà. Et sollicite aussi des fonds pour qu'il y ait éventuellement du matériel pour que les parties soient un peu scénographiées, que par exemple, je sais pas, avoir, j'imagine, des cartes de La Chaux-de-Fonds imprimées en grand pour montrer que les MJ soient costumés, ouais. Des choses comme ça. Et clairement, à qui s'adressent ces parties tests, ces parties subventionnées de La Chaux-de-Fonds 1904? C'est des publics qui vont aller à un salon local, voilà. Un public hétéroclite, non rôliste, non geek. Ouais. Et en fait, qui va être intéressé par les thématiques. La Chaux-de-Fonds, qui vont être intéressés par La Chaux-de-Fonds. Voilà, ils sont intéressés par La Chaux-de-Fonds et par l'histoire de La Chaux-de-Fonds. Ils ne sont pas intéressés par les dragons, par les robots et par l'exploration de la matrice. Hein. Pour ce que tu veux dire, c'est que, et ce que veut dire Lionel Jeanneret, c'est que pour réintroduire le jeu de rôle pour tous, c'est-à-dire pour faire en sorte que tous soyons attirés par le jeu de rôle, il faut remettre le jeu de rôle à sa place, c'est-à-dire cesser de faire de la célébration des clichés, des canons du jeu de rôle, et refaire en sorte que le jeu de rôle redevienne un média, et uniquement un média pour transmettre après des chaussons aux pommes, la Chaux-de-Fonds. Tu peux y mettre ce que tu veux en termes d'univers, voilà. En termes de propos. En fait, c'est une manière de contourner le problème de l'inaccessibilité du jeu de rôle par les thématiques, parce que là, on ne parle que de ça depuis tout à l'heure, hein, le manque d'accessibilité par les thématiques, et de remettre du jeu de rôle, de réintroduire du jeu de rôle dans la vie quotidienne des gens. Dans les musées, dans les offices de tourisme, etc. La chance, la principale différence entre mon projet et celui de Lionel, en tout cas La Chaux-de-Fonds 1904, c'est pas le cas avec Romance érotique, parce que Romance érotique, le système est simple. Ouais. Parce qu'il, je pense qu'il s'adresse aussi à des couples pas forcément rôlistes, puisqu'il avait prévu de faire les salons de l'érotisme pour vendre son jeu. Absolument. Je sais pas s'il l'a fait d'ailleurs, finalement. Je crois pas qu'il l'ait fait. Je suis quasiment sûr qu'il ne l'a pas fait. Ce serait vraiment intéressant qu'il le fasse. S'il écoute ce podcast et qu'il ne l'a... Enfin, bref. La Chaux-de-Fonds, c'est différent parce que c'est un supplément pour crime. Et donc, il va utiliser le système de résolution de crime. Donc, j'ai pas lu crime. Peut-être que le système est simple. J'avoue que j'ai aucune opinion là-dessus. Je sais que c'est une gamme qui a très bonne réputation, mais je sais pas du tout si son système est simple. Oui, d'accord. Donc, il aurait l'accessibilité par les thématiques, mais peut-être pas la technique. C'est pas grave parce que dans son projet, l'idée c'est que ce soit des MJ professionnels, qui animent la partie. Donc, de toute façon, la difficulté du système, s'il y en a une, et les prises en charge par le MJ, où effectivement, ça c'est l'option, enfin c'est un petit peu ce que proposait Thomas, c'est-à-dire on initie avec des systèmes qui sont complexes, mais la complexité elle est maîtrisée par le MJ, prise en charge par le MJ. Là je suis différent dans le sens où en fait plutôt que la complexité soit prise en charge par un animateur compétent, la complexité est tout simplement enlevée, quoi. Ouais. Alors j'en reviens. Donc pour Marin de Bretagne, j'ai aussi. Ah justement, quand Thomas t'a demandé pourquoi Marin de Bretagne, j'ai cru que Thomas je vis en Bretagne. Pika, que tu allais dire que tu allais dire que justement tu recherchais à obtenir des subventions comme Lionel Jeanneret de la région. Mon projet n'est pas aussi avancé que Lionel, c'est-à-dire que je ne sais pas où j'en suis, il n'est pas budgétisé comme celui de Lionel, tout ça, mais je... clairement, tu traites avec des collectivités dans ton travail en plus. J'avance au radar. L'idée, c'est que je vais présenter le jeu à un maximum d'acteurs locaux, notamment à des compteurs, peut-être à des écoles ou à des médiathèques, et puis aussi aux collectivités locales. Et il est possible que, effectivement, je négocie des partenariats avec des collectivités et que effectivement pourquoi pas négocier des subventions pour le jeu quoi. Tu veux intervenir pour la pratique du jeu. Je donc sais pas encore sous quelle forme ce sera. Rendre le jeu de rôle plus accessible, c'est sortir du carcan de l'association rôliste de la convention jeu de rôle et aller voir directement les communautés, lui dire tenez, voilà, moi j'ai un sujet qui est intéressant, donc un thème qui est pas abordé généralement dans les jeux de rôle classiques. Ouais. Pour le rendre non c'est pas du c'est pas vraiment du jeu de rôle que tu mets c'est en avant une c'est une des approches c'est une approche une des approches la tagline elle est peut-être pas encore fixée mais dans l'idée pour le moment c'est un jeu de compte et de rôle déjà je mets rôle en deuxième position parce que pour moi c'est vraiment plus le bonus quoi c'est pas la première chose que je vends quoi donc c'est un jeu de compte et de rôle dans une Bretagne imaginaire voilà mais ce que je veux dire c'est ça c'est que pour pouvoir rendre le jeu de rôle plus accessible il faut le sortir des clubs alors voilà, alors moi j'aimerais te dire un truc ça, ouais, mais Thomas alors je suis je partage à fond ton intention mais je pense que Marin de Bretagne c'est pas très bon quoi pour commencer pour les il faut que tu ailles plus loin parce que le problème c'est que bon je suis d'accord avec toi pour les thématiques là vraiment j'abonde dans ton sens je trouve que c'est dommage que le jeu de rôle se bride dans cette thématique et tout en règle générale d'ailleurs personnellement en tant qu'auteur de jeu, je l'ai toujours prôné, j'ai toujours dit, on peut traiter d'autres types de problématiques. Je me souviens très bien de me prendre la tête avec Monsieur Fall. Ça existe déjà très largement, quoi. Oui, oui, tout à fait. Je me souviens très bien de me prendre la tête avec Monsieur Fall en lui disant, non, mais on peut faire des jeux de rôle sur des thématiques de gars qui ont le cancer ou je ne sais quoi. C'est-à-dire même aborder des thèmes très graves. Et c'est pas moi, personnellement, ce qui me fait triper le plus, mais je dis que c'est possible. Ah ben, on peut le jeu de rôle est un média qui peut amener à tout. Exactement. On peut traiter tous les sujets. Donc voilà, donc ça, je partage à fond. Par contre, pour ce qui est des mécaniques, eh ben là, je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, je pense quand même que ce qui fait l'essence du jeu de rôle, c'est que les mécaniques et la narration soient imbriquées l'un dans l'autre, que l'un ait un impact sur l'autre. Parce que les règles d'un jeu doivent encourager la narration. Tu vois ce que je veux dire ? Et mon problème, c'est que j'ai l'impression que, de ton côté, la narration, c'est un obstacle. Bah alors là, j'ai un problème, parce que je ne crois pas que dans Donjons et Dragons, le système encourage la narration. Ouais, je pense que tu peux jouer, à part peut-être le MJ, et encore même le MJ peut s'en passer. Enfin, d'ailleurs, j'ai déjà joué en convention, j'ai assisté à une partie de jeu de rôle, de Donjons et Dragons, où je l'ai vu, hein. Il y avait zéro narration. Quoi. Bah, on jette des dés, on se met en situation. Donc, dans le genre, le MJ t'explique... voilà, un monstre vous attaque, jetez les dés. Et le monstre a perdu 10 points de vie. Ce que tu veux dire, Tom, c'est que c'est un préjugé personnel que j'ai. Je pense que c'est le jeu de rôle que tu aimes. Moi, le jeu de rôle que j'aime, c'est un jeu de rôle où il y a énormément de narration parce que moi, c'est ce qui me plaît. Création du personnage, l'évolution du personnage. D'accord. Les actions en soi, ça m'intéresse moins. Maintenant, oui, je pense qu'il n'y a pas besoin obligatoirement d'avoir de la narration pour être un jeu de rôle. Je ne pense pas que ce soit quelque chose... d'obligatoire dans le jeu de rôle. Mea culpa. C'est difficile, de toute façon, je crois que aucune... Là où c'est déstabilisant, c'est que je pars sur une définition du jeu de rôle qui est vraiment extrêmement large. Quoi. Moi, c'est ça qui me fait chier, quoi, quelque part. Parce que le truc, c'est que tu vas proposer peut-être même en téléchargement, parce que moi, je veux que le texte du bouquin soit le plus court possible. Mais l'idée, c'est de construire une communauté autour du jeu. Que chacun raconte la Bretagne telle qu'il l'imagine. Quitte à proposer, je dirais aussi, je pense qu'il y aura un forum, tu vois, pour que les gens ils racontent leur partie et qu'ils racontent leur expérience du jeu. Et quitte à proposer dans un second temps de pouvoir télécharger des variantes ou, comme tu le dis, par exemple, je dis n'importe quoi, mais si on veut pouvoir débloquer les ciseaux, eh bien, il faut qu'on explique en quoi le personnage est équipé de choses qui permettent de jouer les ciseaux, tu vois. Tom Pousse, tu voulais intervenir. Attends, je ne vais pas t'interrompre. Sur que j'ai l'impression que je ne vois pas ce qui te bloque que Marin de Bretagne soit un jeu d'initiation au jeu de rôle. Bah, en fait, qu'est-ce qui te dérange? Ce qui me dérange, c'est que ce n'est pas un bon jeu, en fait. c'est pas un bon jeu de rôle, Marin de Bretagne. C'est... Alors, c'est le pas... fait, alors... disons, c'est pas un bon jeu de rôle. C'est pas un bon jeu parce que... Qu'est-ce qui gêne ? En fin de compte, t'as des gens qui vont dire... Moi, je suis pas en liste, je découvre le jeu de rôle par Marin de Bretagne. Ben, moi, qu'est-ce qui se passe ? Ben... En fait, la façon dont tu le dis, ben, la façon dont tu parles, j'ai l'impression qu'un non-rôliste qui découvre ce jeu-là, il se dit, ben, jeu de rôle, c'est ça, et puis ça va pas plus loin. Ben, mais la plupart des gens, c'est comme ça. Ils s'arrêtent à leur première partie de jeu de rôle, soyons clairs. Ils s'arrêtent à leur première partie de jeu de rôle, maintenant. Et après, ils vont dire, c'est ça le jeu de rôle. Mais oui, soyons clairs, c'est ça le jeu de rôle. Maintenant, ça peut être quelqu'un qui, par le biais de ce jeu-là, moi, se dit, bah, je vais me renseigner sur le jeu de rôle. Honnêtement, Thomas, je prends tous les gens que je connais à qui j'ai fait découvrir le jeu de rôle. Je leur dis, vas-y, on va découvrir le jeu de rôle et tout. Je prends Marin de Bretagne. Bah, pour moi, ils vont être déçus. Ils vont être vraiment déçus. Parce que pour moi, ça va pas assez loin comme jeu. Il manque des mécaniques, justement. Il manque des enjeux. Rien ne t'empêche, tiens, je t'ai présenté Marin de Bretagne. Ça, c'est un jeu de rôle. Bon, maintenant, ça, c'est un jeu de rôle d'un certain type. Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui t'a pas plu? Ah, bah, j'ai trouvé qu'il y avait pas assez de narration. Alors, ah, bah, je vais te proposer un autre jeu. Alors là, je vais faire de la communication de base. Je vais vraiment faire de la communication de base. Tu prends une personne, sa première partie, si elle ne lui plaît pas, elle n'y reviendra pas. Ça, c'est clair et net. Et c'est pour tout le monde pareil. Prends un auteur de roman. Le premier roman que tu lis de cet auteur, il est pourri. Personne n'achètera les autres. Donc, t'es en train de dire que la Marin de Bretagne, quelqu'un y joue, ne peut pas, ça ne lui plaira pas. C'est pas que c'est, bah, en tout cas, non, c'est pas ce que je veux dire. C'est parce que je pense qu'il y a des tas de gens à qui ça peut plaire. D'ailleurs, même moi, tout à l'heure, je comprends la partie, je me suis bien marré et tout ça. Non, je dis que ce n'est pas le jeu de rôle que j'ai envie de présenter aux gens à qui je dis, je vais te présenter le jeu de rôle. Quitte à leur faire commencer par une partie, je ne leur présenterai pas Marin de Bretagne. D'accord. Parce que je trouve que c'est pas un bon jeu. Je suis désolé, hein, Thomas, c'est sévère, mais je trouve que c'est pas un bon jeu. Il est trop simple. Alors, je comprends. Je laisse finir et en fait, je vais compléter et peut-être que tu comprendras mieux mon intention. Je te laisserai 100 000 mots de réponse. Il n'y a pas de problème, mais je vais juste expliquer ça. C'est que, pour moi, c'est la même chose avec. Alors, Sombre Zéro, je sais pas. Pour moi, il y a deux, Pika et Johan, vous avez tous les deux une approche du jeu de rôle qui est minimaliste. C'est très intéressant. C'est-à-dire que vous essayez vraiment de réduire au minimum les mécaniques du jeu. Vous essayez de faire un jeu de rôle. Enfin, moi, j'ai envie de parler de minimalisme. T'es d'accord avec moi ou pas? Oui, tout à fait. C'est ça. C'est-à-dire que vraiment, comme les gens qui font du pixel art un peu, ou tu vois, qu'il y a un côté, on est dans le cash, quoi. Enfin, je sais pas. Il faut jouer à Sombre Zéro, chers auditeurs. Il faut jouer de toute façon à Marin de Bretagne pour vous faire une idée de ce dont on est en train de parler. Parce que jeu de rôle minimaliste, ça parle pas. Il faut vraiment jouer à ces jeux. Mais pour moi, ce n'est pas des bons jeux. Parce que pour moi, un bon jeu doit, par ses mécaniques, provoquer un changement chez les joueurs. Il doit y avoir un avant et après la partie. Ça doit te chambouler, ça doit te marquer, ça doit te, quelque part, il y a quelque chose qui doit rester. Moi, Marin de Bretagne, après cette nuit, il ne m'en restera rien. Et ça, c'est un préjugé personnel. Voilà, c'est vraiment purement personnel. Voilà, c'est ça. Comme ça, soit c'est ta vision du jeu. Absolument. Ouais, et je ne dis pas que ce n'est pas dans l'absolu un bon jeu ou quoi. Je dis ce n'est pas avec ce genre de jeu que j'ai envie de présenter le jeu de rôle. Parce que selon moi, ce jeu de rôle est, enfin, ce jeu, je l'ai appelé un jeu de rôle. T'as vu? Ce jeu, pour moi, est un mauvais jeu de rôle. Il n'est pas bon. Et donc, mais selon moi, parce que pour moi, un bon critère, un bon jeu de rôle, c'est Dogs in the Vineyard, c'est Polaris. Toi, t'as besoin de jeux qui te font. C'est un truc qui te bouleverse la gueule. Agone, moi, ça m'a bouleversé la gueule. Il y a eu un avant et après Agone. Après Agone, j'étais changé. J'avais des tas de visions du monde différentes, etc. Marin de Bretagne, ça ne chamboule pas ma vision du monde. Et c'est pour ça que je ne peux. Aloïs, tu voulais parler et après, on laissera Pika répondre. Il peut répondre avant. Je peux prendre les notes. En fait, le prends pas mal. Hein. C'est loin d'être péjoratif, c'est ce que je veux dire, mais ce serait presque un jeu apéro, en fait. Un jeu de rôle apéro que tu fais entre deux grosses parties. Ah, mais oui, oui. Oui, mais et, ça, moi, ça me, et, moi, ça me convient pas. Ça. Oui, mais il y a des gens à qui ça convient. Moi, personnellement, entre deux parties en de Star. On a fait ça parce qu'on a fait une partie de Marin Bretagne parce qu'on attendait une joueuse qui traînait, quoi. Entre deux parties de, mettons, je sais pas, StarCraft, le jeu de plateau, j'ai absolument pas envie de me faire une partie d'un jeu énorme, genre Ad Astra. Non, mais attends. Qu'est-ce qui fait qu'une série marche? c'est qu'elle te chamboule. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, des gens vont passer aux médias séries? C'est oui, parce qu'il y a une putain de série qui chamboule tout le monde. On est d'accord. Tu prends par exemple, tu prends X-Files, ça a chamboulé les gens, la vision du monde est-ce des que, gens. Est-ce que il y a des gens qui se sont vraiment. Non mais soyons clairs. Est-ce que ces gens-là, ils ont pas continué à regarder d'autres choses que X-Files? Je veux dire, non, ne serait-ce que le 6 minutes ou un format court qui va te faire te détendre. Non mais je suis d'accord. Mais je suis d'accord avec toi. Mais le truc c'est, t'as envie de mettre quelqu'un aux séries, au format série. T'as envie parce que c'est ça, mettre quelqu'un au jeu de rôle, c'est de mettre. Tu lui montres une bonne série. Tu lui montres pas Maggie. Tu lui montres pas Madame est servie. Tu lui montres une bonne série. Justement. Tu lui montres pas un truc apéro. Tu montes un truc. Voilà. Depuis... Oui, oui, fais gaffe, t'as plus de poids de ville. Hein. Tu pars dans les métaphores. C'est pour le. Parce qu'en fait, on parle du jeu de rôle, on parle des séries. Donc, non, je suis d'accord. Non, alors, ok. Peu importe le média, mais pour initier quelqu'un, on va continuer sur les séries rapidement. Pour initier quelqu'un aux séries, je lui montrerai une série qui me plaise, mais ça reste une série. Là, pour moi, Marin de Bretagne, c'est pas exactement un jeu de rôle. Donc, justement. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est un jeu à rôle. C'est parce qu'il y a des jeux de rôle, en fait. Il n'y a pas un jeu de rôle. Oui, voilà. Je suis d'accord avec toi. Il y a des jeux de rôle. Je suis d'accord avec toi. Quand on dit le jeu de rôle pour tous, c'est des jeux de rôle pour tous. Je suis d'accord avec toi, Picard. Tu dis pas les termes comme ça, on a dit le jeu de rôle. Tu dis toi-même que c'est d'abord le hold-up. Tu dis toi-même que c'est d'abord un jeu de compte et après un jeu de rôle en bonus. Pour moi, on est dans le jeu narratif et c'est quelque chose qui me plaît. Je suis d'accord. C'est pas le genre de choses que je fais le plus, mais c'est quelque chose qui, en supplément de mon activité rôliste, me satisfait. Sur ce qu'a dit Pika, je suis totalement d'accord avec toi. Pour moi, il y a des jeux de rôle. Ça, j'en démords pas. Le truc, en fait, c'est que je pense aussi que dans mon intention, Thomas. Marin de Bretagne, ça n'est pas un jeu de rôle d'initiation. C'est-à-dire que de toute façon, il n'est pas conçu comme étant c'est une passerelle. C'est ce que t'as dit dans les débuts. Voilà, mais je préfère le rappeler. Oui. Et surtout aussi parce qu'un jeu de rôle d'initiation. Généralement, le but d'un jeu de rôle d'initiation, c'est qu'il soit pris en main par quelqu'un qui connaît déjà le jeu de rôle et qui va se servir de cet outil-là pour le faire, un animateur. Pour le montrer à des gens qui connaissent pas, quoi. Et en fait, moi, Marin de Bretagne, même au niveau de l'animateur, c'est-à-dire la personne qui va acheter le livre, qui va le lire et qui va le faire jouer, s'adresse pas à des rôlistes. C'est-à-dire que moi, ça peut être la personne qui va acheter une Marin de Bretagne, ça peut être un père de famille, ça peut être un instit, ça peut être une personne qui travaille en école maternelle. Oui, tu vois, tu penses qu'un vampire, ça peut pas être un père de famille, ça peut pas être un artiste, ça peut pas être. Si, ça peut. Mais en fait, est-ce que tu vois que j'essaye de m'adresser à des personnes quand même qui sont différentes? Absolument. Que le public cible habituel du jeu de rôle d'initiation. C'est excellent. En fait, le pari que tu fais, c'est le pari de Nintendo quand il a fait la Wii. Absolument. Mais absolument. Vraiment, alors, on s'en rapproche. Peut-être effectivement, les gens, après avoir joué de Marin de Bretagne, peut-être qu'effectivement, ils ne viendront pas à jouer à ce qu'on appelle les jeux de rôle qui vous plaisent, quoi. Peut-être qu'effectivement, Marin de Bretagne n'amènera pas les gens à jouer à Chronique des Féas, les amènera pas vers les cordes sensibles. Donc, en fait, mais bon, bah, c'est ça. C'est parce qu'il y a des jeux de rôle. Je prétends pas qu'ils soient cloisonnés. Et je pense que je suis persuadé que s'il y a des gens qui découvrent, en fait, qu'il peut y avoir la narration dans un jeu, qui le découvrent par un Marin de Bretagne, ça peut quand même les amener Moi, je pense que dans le bouquin, il y aura de la pub pour certains jeux de rôle. Je pense notamment qu'il y aura de la pub pour Prosopopée. Bah, tu m'étonnes. Je pense que ça peut amener quand même vers d'autres jeux de rôle. Mais ce sera un effet de bord. C'est clairement pas l'intention première de Marin de Bretagne. Je le répète, j'ai dit au début, mais c'est toujours le cas. Le but de jouer à Marin de Bretagne, c'est de jouer à Marin de Bretagne. Thomas. La seule chose que tu vas faire, c'est que... Poussou. C'est... Dans ton jeu, vu qu'il va avoir une cible différente des jeux de rôle traditionnels, éventuellement, s'il y a des gens qui s'intéressent à ton jeu, vu que tu le présentes comme un jeu de rôle, c'est si ces gens ont aimé ton jeu, vont se renseigner sur le jeu de rôle et donc voir les autres formes et peut-être s'orienter vers autre chose. Mais de toute façon, toi, ton objectif, c'est toujours pas de mettre les gens en jeu de rôle, c'est de faire découvrir un jeu à pas que des rôlistes. Voilà. Alors du coup, on répond parce que j'ai des personnes j'ai des personnes que je connais de toute façon qui ne joueront pas qui connaissent le jeu de rôle parce que moi j'en ai parlé voire que j'aurais fait une démonstration mais qui n'y joueront jamais parce que en tout cas les jeux de rôle qu'on connaît que nous on aime et qu'on pratique parce que le format ne les convient pas pour des raisons qui sont multiples. Tu vois, et c'est là qu'on s'oppose tous les deux par exemple. Ouais. Parce que toi pour rendre le jeu de rôle accessible, tu transformes le jeu de rôle en fonction des gens. C'est-à-dire que tu rends le jeu de rôle accessible en transformant le jeu en fonction des possibilités cognitives des gens qui s'entourent. Alors que moi, c'est pas ça que je veux faire. Moi, ce que je veux faire, c'est transformer les gens qui m'entourent pour que le jeu de rôle devienne accessible, par exemple, tu vois. Mais les deux démarches, elles sont légitimes, mais elles peuvent cohabiter. Absolument. Et je ne dis pas que l'une est meilleure que l'autre, d'ailleurs. Je pense, c'est pour ça qu'on est ensemble, qu'on fait ce podcast ensemble, etc. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas ennemis, là. C'est au clair. On est juste deux voies différentes. Et chacune, à mon avis, fait progresser énormément l'autre. Et c'est très important que ce dialogue ait lieu. Moi, selon moi, ce n'est pas le jeu de rôle qui doit s'adapter. Peut-être si dans ces thématiques, là, je suis d'accord avec toi, et là, je te rejoins. C'est les gens qui doivent faire l'effort de découvrir le jeu de rôle. C'est ça. Et moi, et alors, rendre le jeu de rôle par des thématiques plus adaptées aux problématiques des gens et tout ça, je dis oui. Après, simplifier le jeu de rôle, minimaliser le jeu de rôle, en faire un truc, en fait, moi, il y a un truc qui m'a choqué, c'est ma correctrice, Bernadette Richer, que je salue au passage, qui m'a dit, lorsque j'ai sorti le Val, elle m'a dit, le Val, ah ouais, hein, c'est bien écrit, hein, mais c'est pas accessible. Parce que, à la place de parler du pic, tu parles de l'arme, etc. Et elle m'a dit un truc terrible. Elle m'a dit, moi, je crois que ton jeu, il marchera pas. Parce que je crois à la paresse intellectuelle des gens. Elle m'a dit ça. De toute façon, tu proposes un jeu qui est une sorte de tarot. C'est-à-dire qu'il y a un hermétisme. Non, mais, on est d'accord. Eh ben, moi, je suis contre cette proposition-là. Je suis contre considérer que les gens sont paresseux intellectuellement et donc abaisser le niveau de mes jeux parce que je supposerais que les gens sont bêtes. Non, moi j'ai plutôt envie de faire l'inverse, de supposer que les gens sont très malins, très intelligents, qu'ils ont envie de s'épanouir et du coup de leur proposer des jeux avec des mécaniques épanouissantes qui soient pas forcément difficiles d'accès, mais un petit peu comme ce que Fabien Ilvine disait à propos d'un instrument de musique. Leur proposer un instrument... Ouais, qui a besoin d'apprendre à en jouer. Ils ont un besoin d'apprendre à en jouer, etc., à y jouer, ouais. Et après ils vont produire des putains de parties, ils vont se dire « Et ça vient de moi, ça ?» En fait, ça viendra pas vraiment d'eux. Des mécaniques leur ont poussé, etc. Mais, ils auront... Ah, tu n'es qu'une merde manipulée par le jeu de Romain. Non, c'est pas ça. C'est pas que t'es qu'une merde, c'est que le jeu, par ses mécaniques, t'amène à te dépasser. Et c'est ça, et moi je pense que si Fabien Edvine était ici parmi nous, il dirait la même chose que moi. C'est que le but du jeu de rôle, pour moi, comme le but de tout média, c'est de faire en sorte que les gens se dépassent, se subliment, se transcendent. Je pense que c'est ton but pour le jeu de rôle. Absolument. Je dis, ouais, mais je reviens quand même que tu as une modification du jeu de rôle, une modification à faire au niveau du jeu de rôle, parce que même les bases sont pas accessibles. Dire on va te mettre il y aura des mécaniques si tu veux qu'on considère qu'un rôliste connaît par cœur. Là tu parles de l'état de fait. L'état de fait actuel. Ouais. Non, parce que nous on parle d'intention avec moi j'avais l'impression de dire non mais c'est pas à moi de mettre ma base accessible à tout le monde. C'est les gens qui doivent se casser le cul à comprendre ce que j'écris. Non, c'est pas ça. Voilà, mais c'est la façon dont je l'ai Non, on est d'accord. C'est pas ce que je veux dire. Ton but c'est pas d'abaisser le niveau du jeu de rôle, c'est de le rendre accessible de façon à ce que les gens qui font pas de langage puissent quand même comprendre et avoir un jeu de rôle puissant. Oui, et surtout, c'est de pas prendre les gens pour des cons. Et ça, c'est super important. Mais on sait très bien qu'ils le sont, hein. C'est dans les inconnus, ça. Je reconnais ta référence. Je cite la référence parce que sinon, on va encore se faire accuser de hein, bon. Donc, voilà. Mais Thomas, tu voulais réagir. Thomas Munier. De toute façon là, par rapport à ce que tu dis pas de souci, on a effectivement c'est une démarche que je trouve légitime et heureusement que c'est de méthode cohabitent. Je te promets que cette démarche sur d'autres jeux je l'ai aussi. On est d'accord. Par exemple, dans Inflorenza, j'ai essayé de proposer un système où la dramaturgie elle est gérée par le système pour amener les gens à produire des fictions qu'ils n'avaient pas l'habitude de produire autrement. Tout à fait. Avec des jeux de rôle autres. Alors par contre, il y a aussi une chose, c'est que même moi, en tant que joueur, alors que je suis un rôliste chevronné, et puis c'est le cas aussi de plein d'autres rôlistes que je connais, surtout ceux qui ont un petit peu de bouteille, qui n'ont pas beaucoup de temps, des fois je veux avoir envie de jouer à un mini-jeu de rôle. Et moi je te promets que quand je joue à Marin de Bretagne, je le fais pas uniquement pour te faire une démo, je m'amuse, quoi, voilà. Et j'ai joué une demi-heure et c'est cool. Et tu vois, j'ai eu ma ration, j'ai eu ma dose de jeu de rôle, quoi. Et je veux pouvoir me dire que le jour où j'aurai des enfants, que je vais pas attendre qu'ils aient 10 ans pour pouvoir jouer avec eux, que je pourrais faire des parties entre deux machines de couches, que je pourrais faire des parties qui vont durer un quart d'heure. J'ai une ma petite sœur là est en train d'écrire un conte. j'ai envie de pouvoir lui proposer un mécanisme qui permet de faire jouer les personnes de son compte et qui puisse être joué avec des enfants de 5 ans, quoi. Carrément. Je comprends totalement cette, cette intention. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que même aussi en tant que vieux rôliste, eh bien, je veux avoir envie de faire du jeu de rôle, d'avoir cette expérience du jeu de rôle sans la complexité, quoi. Et sans... Et je peux te promettre, des fois... Jeu de rôle minute. C'est vrai que quand je fais une partie de Millevaux sombre où j'ai passé deux ou trois soirées à la préparer, que j'ai devant moi la patate de matériel et que après à la fin de la partie je vais encore écrire un compte rendu de partie, ça c'est bouffon quoi. Et je veux pas que ça quoi. Mon expérience de jeu de rôle se limite à ça quoi. Là où moi j'aurais peut-être une limite par rapport à ce que tu es en train de dire, c'est que je pense que la meilleure manière de montrer la puissance d'un média, c'est de montrer une œuvre qui utilise ce média et qui te bouleverse. C'est la meilleure manière, je trouve, de présenter pour montrer la puissance de la sculpture, il faut montrer une putain de sculpture qui te bouleverse. Pour montrer la puissance de la télé, te montrer une émission qui te bouleverse, etc. Tu veux faire jouer les gens en cordes sensibles pour les faire se mettre au jeu de rôle ? Alors, les cordes sensibles, moi, je ne connais pas ce jeu. Parce qu'en fait, à chaque fois que j'en parle, Fred me dit « Bon, il faut que tu rejoues parce que tu connais plus. » C'est vrai que depuis Psychodrame, ça évolue. Du coup, je ne sais pas de quoi tu parles. Non, mais clairement, par exemple, je pense que faire jouer à quelque chose comme Prosopopée me semble être plus bouleversant pour quelqu'un, s'il veut découvrir le jeu de rôle, que de lui faire jouer à... Je suis désolé, Pika, j'ai l'impression de te faire une mauvaise presse, mais de lui faire jouer à Marin de Bretagne. Tu ne me fais pas une mauvaise presse parce que tu défends des intentions qui sont différentes des voilà, mêmes, c'est donc il n'y a ça. Aucun souci. On est d'accord. Thomas, moi, je pense qu'au lieu de faire une œuvre magistrale que tout le monde va apprécier, je pense que tu peux faire une œuvre qui est beaucoup moins magistrale, mais qui est beaucoup plus accessible, que tout le monde peut voir, et plus personnel. Va grignoter tranquillement, et puis que le jour où tu fais ton œuvre beaucoup plus magistrale, bah, les gens, ils auront déjà compris tes codes. Donc ça peut être aussi une bonne façon de faire un jeu qui est moins dans la tradition du jeu de rôle, qui reste accessible, mais qui va mener les gens vers l'univers... Donc on rentre dans une logique d'initiation là, Thomas. Appelons un chat un chat. Non, c'est ça, ça reste de l'initiation. Voilà. Mais tu peux rester quand même dans un domaine, dire que le jeu que propose Pika, pour des gens qui n'utilisent jamais leur imaginaire, peut les emmener à être dans l'imaginaire, compréhension. Et je pense que tu peux l'utiliser à fond, par contre. C'est-à-dire qu'une personne qui a un imaginaire fort, je pense qu'il peut produire des parties de Marine Bretagne qui soient fortes. Ton exemple, tu disais que tu aimerais bien avoir des conteurs jouer à ton jeu. Je pense qu'effectivement, le conteur va te faire des scénarios gigantesques. Même dans la partie qu'on a fait, il s'est passé des choses tristes. Moi, je jouais un crabe, il y a un moment, je me suis fait... La partie était dramatique. Il y a des trucs à la con. Il y a des trucs à la con, mais il y a des fins tragiques. Et mon personnage, il s'est fait briser ses pattes et il devait ensuite aller vers la mer pour mourir. Bon, je pense qu'il y avait une certaine beauté quand même. C'était une beauté minimaliste, certes. Tout à l'heure, pas en préparation du podcast, mais je parlais avec Thomas et je lui disais qu'avant tout, on conçoit des jeux. Je pense pas qu'on ait besoin d'un but particulier pour concevoir le jeu. Je pense que... Laisse-moi finir. T'as un coup de boule ou quoi ? Laisse-moi finir. Je pense que ça reste un média comme un autre et qu'on a le droit de faire le jeu juste sur le plan, enfin pour une raison personnelle. On a envie de parler d'un thème qui nous est cher et que si on n'a pas envie de le faire dans un but particulier qui est de toucher une cible particulière, on en a le droit. Et je pense que Marin de Bretagne, il est dans ce domaine-là parce que tout à l'heure tu disais que tu le faisais parce que tu habitais en Bretagne. C'est un but en soi de parler de ce que t'aimes. Là, on parle de jeu de rôle. Lui, il veut parler de la Bretagne par le média du jeu de rôle, comme nous, on utilise la parole pour parler de théorie. Et moi, je j'ai pas de problème avec ça. Mais en fait, je pense qu'on a tout résumé et répondu à la question principale et à la problématique de ce podcast quand on a dit il y a des jeux de rôle. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on dit le jeu de rôle pour tous, ça devient confusant parce que tout le monde essaye de dire bah non, mais le jeu de rôle c'est pas ça, c'est autre chose. Et puis alors du coup, il faut commencer plutôt par ça que par ça. Souviens-toi, Thomas, du podcast qu'on avait fait sur par quel jeu commencer. C'était la foire d'empoigne. Parle pas des tomes comme ça, s'il te plaît. J'ai la migraine qui revient. Et donc tu vois, c'est ça l'histoire, c'est que tu te retrouves avec des trucs. Ou le podcast, tu fais un petit Eclipse Phase avec ta grand-mère. Non, c'est ça. C'est que tu te retrouves avec un sujet où comme personne s'entend sur ce que c'est que le jeu de rôle. Des coups et des couleurs, des coups et des douleurs, on ne parle pas. Alors que là, du coup, avec en disant, pour moi, je veux présenter un certain type de jeu, c'est-à-dire les jeux minimalistes. Bon, allez, on va être méchant, on va appeler ça des jeux apéro. Est-ce que le terme te convient ? Mais oui, mais c'est un, c'est un jeu apéro. Je pense qu'il y a de péjoratif de dire un jeu apéro. C'est pas un jeu de rôle apéro, c'est un jeu de rôle de veiller. Quoi. Oui, exactement. Merci à Loïs. Considérer ça. C'est merci pas forcément le cas. Moi, un jeu apéro, c'est un jeu qui a pour objectif d'être court et de s'amuser rapidement. Voilà. Parce que si, heureusement qu'Aloïs précise ça, parce que sinon, en lui posant la question, j'espère que ça te dérange pas, jeu apéro, je serais passé pour un odieux gars qui considère que les jeux apéro, c'est des sous-jeux, tu vois. Merci Aloïs. C'est-à-dire que je demandais ça parce que justement, il y a des gens qui considèrent que le jeu apéro, eh ben c'est péjoratif. C'est péjoratif. Et c'est pour ça que je demandais à Pika si ça le dérangeait. Ils vont te transformer en curly. C'est ça. Non, mais c'est là que c'est important de connaître aussi les médias qui sont autour de notre activité. C'est qu'il y a des, formats, des attentes qui sont similaires, même si la façon de procéder n'est pas la même. Ouais. Bah, le snack gaming dans le jeu vidéo, par exemple. Oui, voilà, c'est pareil. C'est le jeu apéro. Tu traduis, c'est jeu apéro. C'est le jeu apéro. Le jeu de snack. Absolument. C'est le jeu de snack. C'est voilà, ça. Et je pense qu'on a besoin de ça en jeu de rôle, et pour ça, bah, j'ai compris. Moi, je trouve marrant. D'où la machine à saucisses. Voilà. J'ai du mal depuis le début du podcast, je me dis, mais pourquoi on parle de machine à saucisses? De toute façon, quand t'as dit machine à saucisses, j'ai pas bondi parce que c'est une machine à saucisses, hein, Marin de Bretagne. Ouais. Aucun souci. Hein. Ouais. C'est, bah oui, conçu comme galette de saucisses, quoi. Évidemment, c'est normal. En Bretagne, en plus, putain. Bah voilà, quoi. Tout se rejoint. C'est une machine à andouillette, quoi, si tu veux. On commence à dire un peu de merde, là. Ouais, là, ça y est, là, on est parti. On a fini dans le deux minutes, on parle de Trigavou, des saucisses à Trigavou, tout ça. Ça parle pas aux gens, ça, Trigavou. Non, mais nous, ça nous parle, bordel. On est des Bretons, merde. Non, je suis même. Amenons le folklore breton sur la scène. Je suis une dernière chose. Voilà. En fait, reprends ce podcast en main, bordel. Pourquoi effectivement la question du jeu de rôle pour tous est-elle si compliquée? C'est parce que en fait, nous, les tenants du média, c'est-à-dire les rôlistes, on sacralise un certain nombre de choses. Enfin, on peut avoir tendance à sacraliser les règles, sacraliser la narration, sacraliser l'univers, ou sacraliser en fait la durée, sacraliser la qualité. La durée comme et macaron. En fait l'idée que j'avais et que d'autres ont, et je pense que Grégory Pogorzelski dans ses réflexions sur du bruit vers l'avant, il a aussi cette idée là mon idée c'est que je voulais pas sacraliser tout ça en fait. C'est pour moi c'est ma notion de l'accessibilité, c'est quand en fait on désacralise et on dédramatise en fait le média quoi. Alors c'est bizarre ta vision là de sacralisation parce que j'ai jamais eu cette vision de jeu de rôle comme ça. Bah toi, il y a non. Les jeux de rôle que j'aime, il y a les jeux de rôle que j'aime pas. Mais je sais pourquoi j'aime, Moi j'entends des rôlistes qui me disent si on joue pas 6 heures, c'est pas un jeu de rôle quoi. Toi non Thomas, ou mais si, souviens-toi des réactions. Si on joue des gars qui ont le cancer ou des gays qui font leur coming out, on joue pas un jeu de rôle quoi. Après. Et c'est vrai. Voilà. Non mais souviens-toi des réactions. C'est clair. Il a raison. Et je pense qu'inversement, il y a des gens qui peuvent pas venir vers le jeu de rôle. Tant que leur jeu de rôle, parce qu'ils n'ont pas envie de jouer 4 heures, parce qu'ils n'ont pas envie de jouer des mecs qui se fritent avec des dragons, parce qu'ils n'ont pas envie alors qu'ils ont bossé toute la journée, ils n'ont pas envie de se fader des règles compliquées, tout ça, voilà. Mais parce tu vois, que les gens, tu vois, et en fait, il y a des gens, ils sont rôlistes sans le savoir, mais ils n'ont pas le jeu qui leur correspond à eux, et existe peut-être pas encore quoi. Alors, il existe mais on dit que c'est pas un jeu. Tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à Grumpf quand on l'a reçu pour Oltré il y a 2 mois. Il nous disait moi le jeu que j'aime c'est celui où chacun vit avec ses attentes et où au final se dégage un consensus. C'est-à-dire que, alors que moi je disais, non mais moi le jeu de rôle que j'aime c'est celui où chacun, il y a un contrat social fort certains types de jeux peuvent cohabiter sans que ça déconne. Non, tout comme à fait. Je disais dans Marin de Bretagne où en fait tu pouvais avoir un participant qui allait énormément narrer tandis que l'autre ne narrait pas du tout. Mais il y a un point essentiel qui est que si tout le monde joue au jeu de rôle de cette façon-là, en snack gaming, moi le jeu de rôle, j'arrêterai. Parce qu'il n'y aura plus personne pour acheter ma proposition. Si tout le monde joue comme moi... Non, attends, je vais finir par une grande conclusion consensuelle, si tu veux. Si tout le monde fait ce que tu fais, je meurs. Si tout le monde fait ce que moi je fais, tu meurs. Donc, au final, la solution, c'est dans la coexistence des modèles économiques, dans la coexistence des systèmes de jeux différents, dans la coexistence de l'hardcore gaming et du snack gaming, dans la coexistence de tout le monde. C'est ça. Ils font l'exploser un pour pouvoir récupérer les clients des autres. Hein. Alors voilà, justement, ça c'est ce que voudrait nous faire croire notre vilain monde capitaliste. Tu récupéreras pas le faux malthusianisme. C'est-à-dire que les gens justement, jamais parce que je brigerai à jouer à ça, il n'y a pas d'autre forme. Exactement. Les anciennes. Attention les mecs qui joueront qu'à Néphilim, ils joueront jamais à Marin de Bretagne. Mais il y a pas. Il y a des mecs peut-être qui joueront que, ils joueront jamais qu'au Loup-Garou. Mais surtout, il faut. Ils joueront jamais à Néphilim. Il faut pas croire au malthusianisme du jeu de rôle, si j'ose dire. C'est-à-dire, il y a un nombre de rôlistes limité, mettons 50 000, et chacun d'entre nous, chaque fois qu'on prend un rôliste, on l'exclut de toute autre forme de jeu de rôle. Comme s'il y avait une compétition entre les auteurs pour savoir lequel qui aurait gagné le plus de rôlistes, et il y a une réserve fixe. Ça c'est du malthusianisme. Oui, moi aussi. Ça, c'est du malthusianisme, mais il ne faut pas croire que c'est comme ça. C'est-à-dire que chacun trouve son public et les rôlistes sont différents. Je pense que tout coexiste et que c'est comme ça que le jeu de rôle peut gagner. Il y a suffisamment de sur Terre pour que chacun ait ses idées et tu vas forcément trouver quelqu'un qui est d'accord avec toi. Voilà, et, c'est clair. Les avis, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un. Merci Aloïs. Moi, je vais faire une conclusion gracieuse. Lui, il nous parle de trous du cul. Grave, c'était le but. Pas loin, hein. C'était le but de pourrir ta conclusion. Merci Aloïs. Tout le monde aura reconnu la subtilité aloïsienne. C'est bon, j'ai fait. Enfin, il y a pire. Oui, oui. Alors, en tout cas, Pika, on verra comment on va évoluer Marine Brocane, de Bretagne, pardon. Je suis entre Brocéliande et la Bretagne. Comment ça va encore. Faut pas m'en vouloir. On va voir comment ça va évoluer. Est-ce que tu penses, suite à ce podcast, ça va changer quelque chose sur le jeu ou pas? Non. Alors, j'en sais rien parce que des idées peuvent venir. Là, comme ça, sans le recul, à chaud, je te dirais non. Non, ouais. C'est-à-dire que... Tu crois pas quand même qu'il faudrait encourager la narration, même si ça apporte pas beaucoup de bonus? Pour moi, ça serait que des règles avancées qui seraient destinées à une communauté qui a déjà accroché au jeu, qui veut aller plus loin. Même sans parler de communauté, tu crois pas que Madame Michu, qui va acheter ton jeu bonne bigoudaine, en breton peut-être bien, va avoir envie de gagner des récompenses? J'ai oublié de préciser, parce que je tiendrai ce que je joue soit bilingue. Il sera français-breton. Ouais, mais... C'est pour ça, je te dis, est-ce que tu n'as pas envie que Madame Michure gagne des bonus parce qu'elle raconte une putain de légende bretonne en breton personne ne connaît. Je pense que ça, cette version plus, quoi. Je la porterai non pas par des mécanismes, mais par des exemples par le forum, de parties. D'accord. Ah, voilà. C'est ça. C'est-à-dire que si, effectivement, si les gens lisent, il y aura déjà au moins un exemple de partie dans la base, et peut-être qu'il y en aura plusieurs, parce que je pense que je mettrai un lien vers un forum. Et si les gens lisent les rapports de parties, disent, ah oui, on peut, et si effectivement il y a des histoires qui les émeuvent, ils comprendront que eux aussi peuvent le faire avec le jeu. Mais si, pour moi, si je commence direct, j'aurais l'impression de louper le coche si j'incorporais trop de mécanismes de narration dès le départ dans la version simple du jeu. Aloïs, est-ce que tu penses bon, c'est une idée plutôt débile, mais j'aime bien l'idée. Ça me séduirait en fait de voir ça. Est-ce que tu penses que au niveau du format, est-ce que tu vas prendre un format de papier classique ou est-ce que tu as des idées marrantes, genre je sais pas, utiliser un format de ciré guicotène que tu ouvrirais en dépliant ou des choses comme ça, ce genre d'idées qui peuvent, en fait, c'est un format qui est plus original mais qui justement peut être plus amené à marquer les enfants. Je sais pas encore comment sera le format, ça va aussi. Est-ce que tu vas passer par Ulule? J'en sais rien, c'est super ouvert. Je veux dire, le jeu est vraiment très jeune. Ça après le marketing. En fait, l'idée c'est que effectivement, je veux quand même que le jeu il soit qu'un petit côté Amélie Poulain dans ce jeu. C'est-à-dire que déjà, j'ai travaillé avec quelqu'un qui va dessiner les 6 cartes du jeu. Ce sera des aquarelles. Je veux que le jeu il soit beau. Et effectivement, je pensais par exemple le vendre dans des enveloppes avec glisser des coquillages dedans pour donner une idée, quoi. Non, tu mets des petits cailloux et tu dis que c'est des graines de menhir. Que je veux véhiculer avec le jeu, quoi. Les graines de menhir. Donc, c'est vrai que quand t'écoutes Fabien, la forme d'un jeu n'est pas forcément importante ou cruciale. Bon, effectivement. Oh putain. Si, quand même, un petit peu. Oui, mais en fait, ce que disait Fabien, c'est qu'il ce que tu appelles la forme. Ah oui, l'emballage. De Statos, où il dit, moi, j'ai pas voulu faire un jeu qui soit en quadricomie, couverture rigide, machin, parce que pour lui, il voulait que son jeu, on puisse y jouer, même qu'il y avait que 6 illustrations dans le bouquin. C'était, il voulait dépasser le fétichisme de l'objet. Voilà, ouais, exactement. Mais je pense que dans Marin de Bretagne, il y aura clairement un fétichisme de l'objet, quoi. D'accord, ok. Ok. Parce que c'est l'idée, c'est que le voilà, que le jeu porte une nostalgie, moi, quoi. Moi, si, enfin, si j'étais toi, hein, je continuerais de travailler sur le jeu. Parce que moi, je le trouve pas en l'état. Encore une fois, je ne le trouve pas fonctionnel. Le jeu n'est pas fini d'être développé. Il est toujours en. Voilà. Ah bah, de toute façon, c'est clair que. T'as encore plein de parties à faire. Il y a encore des parties à faire. Je peux pas te garantir que le jeu, il est à 100% terminé. C'est clair. Voilà, c'est ça. Bon, eh bien, merci, Pika, de nous avoir présenté Marin de Bretagne. Désolé d'avoir été sévère avec le jeu, mais bon, vous, vraisemblablement, Thomas et Aloïs, vous avez... Je prétends pas que tu as été sévère, je pense plutôt que tu nous as exposé ta vision. Du coup, c'était vraiment intéressant qu'on ait vraiment deux visions assez tranchées de ce qu'est le jeu de rôle pour tous, quoi. Bah, j'essaye, par mes critiques, même négatives, de faire avancer les choses en règle générale. Mais bon, voilà, je te remercie. Thomas, le jeu globalement Marin de Bretagne. Toi, tu t'as finalement t'as pas dit. C'est pas un jeu pour moi. Je veux dire que je trouve qu'au niveau de l'univers, tu vois, dans ta présentation, il y a plein de choses à faire. Que tu, une fois que la maquette sera terminée, je pense que rien que dans les illustrations vont pouvoir aider dans l'imagination, ouais, qui va être énorme. Fait, ouais. Ce qui manque effectivement, et le fait que qu'on peut jouer sans narration, je trouve ça. Aberrant, je veux dire, pour moi, ton jeu, s'il n'y a plus de narration, il n'y a rien. Mais c'est pareil, moi j'essaye, j'aime beaucoup le jeu de rôle, mais moi le jeu de rôle c'est un jeu, ton jeu c'est un jeu, si tu dis que c'est un jeu de rôle, ça ne me convient très bien, je m'en fous, ça reste un jeu pour moi. Donc je ne suis pas dans cette définition. Mais non. C'est vrai que dans l'état, ce n'est pas un jeu auquel je jouerais. Aloïs ? Alors moi je me suis bien amusé pendant la partie. Moi aussi. Je dis pas que c'est un jeu qui me plaît pas. Je vais pas dire qu'il me plaît non plus. Enfin, il m'a pas transcendé. C'est un jeu auquel je jouerais avec plaisir pour me détendre entre des parties, comme je pourrais faire une partie du Val ou une partie de Magic entre deux parties. Voilà. Ouais. Mais le truc, c'est que, comme Thomas, je joue à des jeux. Il y a des gens qui font que du jeu vidéo, que du jeu de rôle. Moi, je touche à tout parce que j'adore jouer. C'est un média qui me plaît énormément. Et donc, peu importe la forme, peu importe l'étiquette, tant que je peux jouer, je le fais. Très bien, très bien. Merci pour cet avis final. Donc, tu vois, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Et c'est pas si grave que ça. Non. Qu'est-ce que t'en penses des avis du tour de table ? Bah déjà moi j'étais content de montrer le jeu à finalement vous étiez un public que j'avais pas, que j'étais pas encore allé voir, c'est-à-dire des rôles chevronnés comme tu disais. Des gens, enfin clairement je voulais voir ce que ça donnait avec un public non cible. Et il y a une partie de votre rejet qui me consolide en fait. En disant que voilà ton jeu touche bien la cible qu'il fallait. Voilà. D'accord. C'est... D'accord. Ça marche. Et puis en plus c'était important pour moi. De parler de ce concept de jeu de rôle pour tous, c'est un truc qui m'est cher, dire qu'il y a des jeux de rôle et qu'en fait, c'est comme je sais plus qui disait, c'est un média et donc on peut proposer énormément de choses, quoi. Et on a déjà vachement commencé à explorer. Tu vois un jeu comme Breaking the Ice, quoi, où on joue une relation amoureuse, tout ça. En fait, on peut tout jouer, mais c'est un peu aller loin, quoi. Tout montrer. Et en fait, pour le moment, on a ouvert, quoi. Une fenêtre sur 1000 quoi, de ce qu'on peut explorer à travers le jeu de rôle. Quoi. Il y a quand même des choses qu'on ne peut pas faire. Faire un jeu de rôle sur les Magical Girls, hein, tu vas en chier, mon gars. Ça, c'est le mal. Faut le trouver, le public. Hein. Ouais, c'est là. Le public est difficile à trouver. En France, en tout cas, oui. Allez, en tout cas, vous avez compris. Ce qui compte, c'est de râler moins et de jouer plus, comme Aloïs, comme Thomas, qui propose de jouer à tous les jeux. Oui. Pika, qui se propose de créer tout type de jeu de rôle. Allez, c'est ouvert. Il vous fera du jeu de rôle classique, du jeu de rôle de saucisse. Il fait tout, il fait tout sur la table. Et on fait les galettes. Et ça, c'est bon. Allez, portez-vous bien, jouez bien, c'est ça qui compte. Salut à tous. Salut.